Radio Libertaire, 89,4 MHz, il est 17h. Il est 17h et nous aussi. Tout de suite, bulle de rêve. Bonjour, bonjour, et déjà évidemment tous mes invités parlent entre eux. Bulle de rêve bien sûr, merci d'être présent à ce rendez-vous quasi mensuel sur l'animation. Comme je le répète, et je répéterai, je pense encore pendant très longtemps, la seule émission radio qui donne 2 heures comme ça au cinéma d'animation, cinéma image par image. Donc je suis ravi, évidemment ça ne peut être que sur Radio Libertaire, sans pub, sans rien. C'est quand même voilà, assez exceptionnel, donc on est content d'être là, bien évidemment. On n'était pas là la dernière fois pour cause de Festival d'Annecy, et on est là pour parler du Festival d'Annecy, entre autres. On a été accueillis, générique, hein, comme d'habitude, c'est un générique à chaque fois, par un morceau qui s'appelle Angel Fish Decay, d'un album qui s'appelle The Caprices. Le morceau au départ est de Michael Nyman, et là vous avez entendu Alexandre Balanescu qui jouait, vous allez voir que ça a un rapport avec quelque chose, j'ai pas fait complètement ça au hasard, avec un film qui a fait beaucoup parler de lui au Festival d'Annecy, et c'est bien sûr tiré d'un film qui s'appelle A Dead and Two Notes de Peter Greenaway. Voilà, alors déjà je vais présenter les gens que j'ai, et celui qui fait beaucoup de bruit bien sûr, c'est Francis Gavel. Bonjour Francis. Bonjour Alexis, mais j'avais pas de micro, je pouvais faire du bruit. Voilà, il sort tous ces documents. Et Nicolas Tisse. Bonjour. Bonjour, je commence avec les deux journalistes que vous allez voir, vous entendez souvent, et j'en suis évidemment ravi, à Bulle de Rêve, l'un Radio Libertaire notamment, Francis, et Nicolas Tisse. Si vous regardez sur The Web Anime, ma petite annonce aujourd'hui, vous aurez un lien vers une interview sur Croc Anime de Francis Gavel et sur les textes blog de 24 images de Nicolas. On reçoit aussi François Darras. Bonjour François. Bonjour. Je suis ravi évidemment d'avoir François qui était venu là pour une émission sur l'ENSAD, parce qu'il est prof à l'ENSAD il y a 2-3 ans maintenant, facilement 3 ans je pense, plus, hein. Ouais, plus que ça. Donc je suis ravi qu'il soit là, comme ça je peux dire en plus au micro, mais vous le savez déjà, c'est grâce à lui que j'ai appris pas mal de choses. Il me disait ouais, non ça c'est pas bon, ça c'est bien et tout, alors bon après j'en suis sorti, hein, mais voilà, grâce à lui j'ai repéré pas mal de choses vraiment intéressantes. Et je suis ravi d'avoir Jérôme Boulbès. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qui va avec qui on va commencer, on va parler un peu de son cinéma et voilà de son travail et surtout de l'évolution de son travail aujourd'hui. Vous connaissez hein, Jérôme du Puits au tout début jusqu'à Printemps, passant par Éclosion, mon préféré, Masque, et on parlera du petit dernier aussi qui est un petit peu particulier. Et on aura la chance d'avoir Émilie Mercier. Oui, parce qu'on était trop de garçons, ça commençait à bien faire. Donc réalisatrice de Bisclavret notamment et de plein d'autres choses, passionnée comme François aussi, comme nous tous, mais d'animation, avec qui pendant des années au Festival d'Annecy notamment, on se battait à la sortie des salles gentiment en disant « Non, ça c'est nul, pourquoi t'as aimé ça ?» etc. Donc voilà, je suis content, on va parler du Festival d'Annecy. Juste avant, petite présentation, avant de faire un petit break de suite, hein, vous connaissez l'émission musicale qui sera assez court. Je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant. Donc je suis ravi que ça se passe. Oh, quel merci Francis pour cet effet spécial sonore assez exceptionnel. Je voulais vous parler de Glen Keane. Ouais, peut-être que vous avez vu, certains d'entre vous ont Facebook. Glen Keane a fait un nouveau film. Glen Keane, c'est le grand nom de l'animation Disney, là, des grands animateurs et tout. Et il a fait un truc de 2-3 minutes. Super bien animé, super cucu, super gnangnan. Évidemment, on est à l'ère de Facebook, donc tout le monde trouve ça génial. Mais je suis assez ravi finalement que ce film sorte, puisque sur un site sur Facebook qui s'appelle L'Animation qui tue, il y en a plein qui disent « Mais arrêtez de nous embêter, on aime Glen Keane, et alors ? C'est nul, le fond n'a aucun intérêt, mais on aime la forme. Oui, c'est de la masturbation sur l'animation si vous voulez, mais on aime bien ça. » Et ça me fait plaisir parce que c'est les mêmes qui, quelque part, quand je leur montrais les frères Coen, me disaient « Ouais, c'est de la masturbation intellectuelle, tout ça. » Donc, je trouve ça plutôt bien, on a chacun notre masturbation, et maintenant, quand les gens me diront « Ah bah les frères Coen, c'est chiant, etc. » Je pourrais leur sortir Glen Keane en disant bah, « Vous avez aimé Glen Keane, et c'est moi. » Et puis j'apprécie, enfin voilà, je ne vous hurle pas dessus, me hurlez pas dessus. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer à équilibrer quelque chose. Je répétais, alors hors micro tout à l'heure, Yamamura Koji, grand réalisateur japonais, qui disait que quand il allait en festival, il avait l'impression des fois de ne pas faire le même travail que d'autres. Je pense que le Festival Nancy, moi, m'a appris ça cette année, c'est qu'en effet, on commence à avoir, on est peut-être une petite famille, mais il y a plein de réseau, il y a plein de gens qui sont dans des choses complètement différentes, et je trouve ça intéressant. L'animation, peut-être là d'un seul coup, arrête d'être cette petite famille, et oui, on peut voilà, ne pas aimer Glen Keane ou aimer les frères Coen ou l'inverse, ou peut-être les deux pour certains, enfin etc., et d'être quelque chose de très large. Donc voilà, c'était intéressant. Arrêtez de vous battre sur des choses qui sont inutiles, chacun aime ce qu'il veut. Wow, c'est beau, on dirait un grand message d'amour. Ouais, Francis me regarde et dit mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est vrai, là je vais un petit peu trop loin. Alors revenons, parce que de toute façon c'est une émission critique aussi. On va juste, pour laisser en plus le temps à Émilie d'arriver, on va écouter un single, un morceau qui vient du dernier album de The Afghan Wings, To Do The Beast. Ça s'appelle Matamoros, c'est très court, c'est un groupe que j'aime énormément, rock. Je vous ferai pas trop le Hellfest cette fois-ci, parce que je me suis dit quand même, donc je le ferai la prochaine émission, je vous ramènerai toutes ces choses du Hellfest, où les gens se disent, non, c'est pas possible, quelle horreur. Voilà, donc, non, pas tout à fait. Donc, Afghan Week, c'est plus cool, vous allez voir. On écoute et on revient dans 3 minutes. We'll be right back. Voilà, bulle de rêve toujours bien sûr, The Afghan Whigs. Juste avant de donner la parole à Jérôme, je voulais juste, il y a pas de, oui, je voulais faire un petit coucou et à Rémi et à Valentine. Les deux ont plein de travail à faire, donc ils sont pas avec nous aujourd'hui. Mais bon voilà, donc leur fait un petit coucou et plein de courage pour tout ce travail. Et je voulais juste vous parler très rapidement de la troisième rencontre professionnelle sur l'écriture du cinéma d'animation, qui sont bien sûr donc les chemins de la création à Fontevraud. C'est le vendredi 3 et le samedi 4 octobre. Pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il faut s'inscrire. Un plutôt beau programme, un petit peu plus sur le long métrage aussi, avec au début Didier Brunner qui viendra parler de son regard sur l'écriture, la part du son avec notamment Olivier Calvert et Loïc Bucart qui viendront nous parler aussi du son. Gary Bardin, auteur russe, parlera avec Marcel Jean de son parcours. On aura ensuite l'animation à la française, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais avec Jacques Bled de MacGuff, Xavier Lardoux d'UniFrance Film et Benjamin Renner, pour en réalisateur. Donc on est beaucoup plus dans le long, l'animation française, que dans le court, mais bon, c'est un choix. Animation, écriture documentaire le lendemain, avec notamment Anka Damian, qui avait réalisé Krulik, le très beau Krulik, et Patrick Zachman, réalisateur photographe, dont un film sur lui va bientôt être préparé. Sur lui et de lui, tout à fait. Et anticiper l'animation à venir, Sébastien Denis, Inès Géret, Marie Pacou, modérateur, un certain Georges Sifianos, il est abonné de toute façon à Fontevraud, il parle bien Georges, c'est pour ça. Ensuite on a Études de cas, Un monde truqué, Marc Jousset. Et voilà, et un regard sur l'écriture, Jane Pilling finira, donc n'hésitez pas, c'est le 3 et 4 octobre. Et avant, enfin de donner la parole à Jérôme, on va dire bonjour à Émilie. Bonjour. Voilà, Émilie vient d'arriver, elle se pose tranquillement. Et on va commencer avec Jérôme. Jérôme, je t'avais dit, ce qui m'intéressait, c'est de pas forcément parler donc de ton parcours. On le connaît, enfin j'espère, une partie le connaissent. Pareil hein, sur la news de The Web Anime, si vous voulez, vous cliquez sur le nom de Jérôme, vous tombez sur son superbe site rascagne.com, et sinon j'ai mis Éclosion. Et si vous tapez, vous avez sur la chaîne YouTube, je crois quasiment tous les films. Tous les films, oui. Au passage, c'est une volonté de mettre tous ces films, parce que Éclosion, par exemple, ça marchait vraiment bien sur grand écran. Ça a été dur de les mettre sur Internet ou non, tu l'as fait facilement? Non, moi je les ai toujours mis très rapidement sur Internet, pour certains d'entre eux, même avant que j'en ai l'autorisation. Faut qu'ils soient vus, les films. Voilà. Alors après, ça c'était vrai il y a une dizaine d'années pour les premiers films. Maintenant, mettre les films sur Internet, c'est un petit peu jeter un verre d'eau dans la mer. Donc, pour les prochains films, je ne sais pas encore trop comment je vais me comporter par rapport à ça. C'est intéressant comme sujet, évidemment. Mais c'en est un autre, tant pis. On le laisse pour l'instant de côté, on n'aura pas le temps de tout faire. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir si les gens qui connaissent ton cinéma, donc encore une fois, on parle du Puy, on parle d'un cinéma, je vais faire quelque chose d'assez facile, mais on parle d'un cinéma qui est assez narratif, le Puy. Ouais. Un cinéma qui perd cette narration, il y a toujours... Voilà, il perd pas cette narration, disons qu'il vient de plus en plus abstrait dans sa narration, on va dire. Ouais, mes trois premiers films effectivement étaient assez narratifs, encore que Le Puy c'était des séquences réunies comme ça. Donc, bon, alors, c'est un film pour lequel j'ai de la tendresse, c'était le premier, etc. Mais bon, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas. On peut, à mon avis, l'oublier. Ah, je suis pas complètement d'accord avec toi, mais bon. La mort de Tau, c'était un film qui, pareil, on peut dire est narratif, il y a un début et une fin, mais qui, comme les films que je fais maintenant, reposait plus sur une atmosphère. Il aurait pu ne pas vraiment avoir d'histoire, je crois. On aurait pu se contenter de placer les personnages dans cette situation, de les voir vivre, enfin voilà. J'ai travaillé beaucoup sur l'écriture de longs métrages, de la narration, j'en ai un peu soupé. Je ne suis pas tout à fait rentré dans l'abstraction, il s'en faut de beaucoup. Mais je vais un petit peu vers ces chemins-là. Éclosion, c'était, je suis ravi que tu l'aimes bien, parce que c'est, je crois, un de mes préférés, Éclosion et Masque. Il y a toujours une trace de narration, il y a un début, il y a une fin, etc. Mais l'enjeu du film n'est pas là. Une trace de narration d'ailleurs qui venait aussi du fait que je savais pas comment enlever ça. Et puis aussi on présente des dossiers, on nous demande des scénarios. Voilà. Moi je suis venu dans l'animation un petit peu par hasard, donc je construis mon cinéma film par film. Sans avoir d'idées préconçues sur ce que je vais faire ensuite. Sans idée préconçue, tu sais que c'est quelque chose que tu dis, parce que récemment tu disais je réfléchis pas, je réfléchis des fois après et encore. J'ai pourtant l'impression d'avoir une... Quand on regarde des fois certains, on peut maintenant regarder un parcours de Jérôme Boulbès entre plusieurs films, il y a une vraie évolution, il y a une vraie réflexion en tout cas de ta part sur comment aller d'un cinéma à un autre. Ouais, mais il y a un univers qui reste assez constant quand même, je crois. Même en... comment dire ? Il y a probablement un travail sur l'image de synthèse que j'essaie de renouveler. Je crois quand même à ma modeste échelle et mener une recherche sur ça. Et c'était vrai avec Le Puy, qui proposait à l'époque, il y a presque 20 ans maintenant, un type d'image, un type de narration qui n'existait pas encore vraiment dans l'image de synthèse. Maintenant, c'est devenu assez banal. Le noir et blanc, ce genre de choses. Ouais, je me donne à chaque fois un défi technique qui est aussi de, ben voilà, j'ai cet outil, je vais essayer de l'utiliser d'une façon un petit peu différente de ce que je vois autour de moi. On va même plus loin. Évidemment, vous le savez, dans l'émission, si vous avez des questions autour de la table à poser à Jérôme, Émilie, ça fait, voilà, vous n'hésitez évidemment pas à poser la question. Je fais juste un petit geste comme ça au cas où pour que je me taise. Ouais, sauf que je te trouve un peu par rapport à... Il y a aussi un travail sur le fond et la forme qui est vraiment important, parce que par exemple, dans Éclosion, on est finalement sur une forme de plus en plus épurée au niveau de ton image, et donc l'histoire aussi devient de plus en plus... pas légère, mais en tout cas s'efface de plus en plus. Ce qu'on va retrouver dans le dernier, on a dit qu'on en parlait très peu parce que plein de gens n'ont pas vu Ghost Worlds, mais voilà. Alors que par exemple, en plein milieu, tu peux faire Le Printemps, où là d'un seul coup on a une image qui est de nouveau très peuplée, on va dire, et une histoire qui est assez forte avec plein de symboles. Il y a plusieurs lignes qui s'entrecroisent. Il y a effectivement ce que je viens de dire, l'envie de travailler sur la synthèse et de rechercher des outils, enfin de rechercher une utilisation des différents outils, masque et la capture de mouvement, les autres choses. Il y a des envies personnelles sur le mouvement lui-même, le travail sur le mouvement lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est venu en cours de route, on va dire. J'ai commencé à animer, on va dire, animation par clé de personnages, etc. D'ailleurs, c'était souvent pas moi qui le faisais, c'était des animateurs. Et la réflexion sur le mouvement est venue un petit peu plus tard, entre autres avec Éclosion. Éclosion, l'idée, c'était... voilà, l'animation de personnages telle qu'elle était dans Raskin, ça me convient pas. J'adore voir ça chez les autres. J'adore ça, mais moi ça me donnait pas, ça m'excitait pas des masses. Et donc Éclosion, l'idée c'était, voilà, je vais faire une chorégraphie, je vais travailler un mouvement non pas d'un personnage un par un en rapport avec un deuxième ou un troisième personnage, mais je vais faire je vais travailler le mouvement d'un groupe. Et pour être sûr de ne pas me perdre dans l'animation de visage, de bras, de mains, etc., ben le plus simple, c'est d'enlever tout et de prendre plus que les cubes. Voilà. Et après, il n'y a plus que le mouvement, la chorégraphie. Évidemment, chorégraphie, l'étape suivante, c'est de travailler avec un danseur chorégraphe. Et donc, le printemps, donc masque, et puis le printemps, c'est cette même d'éclosion au printemps, il y a la même continuité, on est dans la même... Alors, j'ai rajouté un petit peu, je suis revenu sur un petit peu de narration dans le printemps, mais c'est pas... voilà. Et la troisième troisième grand axe c'est les masques, les créatures, tout ça. Les trois premiers films, il y avait ces petits monstres, ces petites créatures, c'est un peu ce que tout le monde attendait de moi, quoi. Chaque fois, à chaque nouveau film, on veut que je remette ces petites patates sur pattes. Voilà, j'ai remis un petit peu. Mais... ça m'a fatigué un petit peu à un certain moment, d'autant plus qu'il y a eu toute la mode du creator design. Enfin, voilà, il y a tout ça qui s'est fait. Je suis parti au Japon pour travailler sur le bestiaire fantastique japonais. Travailler de façon, on va dire, une recherche personnelle, mais pas de faire des films là-dessus, qui a tout de suite perdu son exotisme à partir du moment où j'étais sur place, vu d'ici les yokai, tout ça, c'est... Bon, après, bon, là-bas, c'est des nains de jardin. Enfin, j'exagère un peu, mais... et donc, ça m'a amené vers les masques, parce que c'est le principe des créatures fantastiques, elles représentent, elles sont le... la représentation d'un archétype, d'un quelque chose. Les masques, c'est dans une certaine acceptation, c'est un peu la même chose. Donc tout ça, c'est un travail continu. Et ce travail sur les masques, sur les créatures fantastiques et tout ça. Bon, moi, j'étais un ado plongé dans le jeu de rôle, hein, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, les monstres, Donjons et Dragons, et puis plus jeune encore, les Moumines, ce genre de choses. Tout ça, c'est mon univers, complètement. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Voilà, c'est ce troisième axe sur la représentation de l'imaginaire, la représentation des créatures, de tout ça. Est-ce qu'on peut dire que justement le départ au Japon fait que d'un seul coup tu passes, comme tu dis, de l'autre côté, et que finalement on est beaucoup dans un imaginaire ici fantasmé, occidental, de ce que pourrait être le Japon, et que finalement quand tu arrives là-bas, et je trouve que ça se voit énormément avec Ghost World aussi, où d'un seul coup c'est un film qui est un film à toi, hein, que tu fais là-bas, avec une musique bruitiste, avec pas mal de choses, enfin, alors elle n'est pas complètement bruitiste, j'exagère, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre cinéma une fois que tu arrives là-bas. Là, il y a deux choses. Trois choses. L'abandon des créatures fantastiques pour travailler sur les masques et la représentation d'une sorte de monde des esprits, etc. Oui, ça vient de ça. Pas du tout sur un aspect de l'animisme, entre guillemets, animisme japonais, tout ça, parce que bon, c'est intéressant d'un point de vue culturel, mais c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais voilà, c'est une sorte de. Étant loin de l'Europe, une prise de recul par rapport à un certain nombre de choses. Ensuite, il y a le séjour à la Villa Kujoyama. Villa Kujoyama, c'est donc une résidence d'artiste, un peu l'équivalent de la Villa Médicis, mais au Japon, en beaucoup plus petit. Bon. Et alors là, le truc est, bon, il y a la découverte du Japon, patate, mais il y a un autre truc qui est formidable, c'est que je me suis retrouvé avec des artistes qui n'étaient pas du tout de l'animation. Moi, je ne connais que l'animation, un peu l'illustration, la BD, et encore à l'époque, même pas la BD. Il y avait des écrivains, il y avait des plasticiens, des cinéastes, documentaristes, un auteur de BD, Emmanuel Guibert. Des gens qui ne connaissaient pas l'animation, qui étaient des gens ouverts, mais surtout des gens qui sont d'univers culturel complètement différent. Et ça m'a permis de faire un pas de côté, de prendre confiance en moi sur un certain nombre de choses. Et par exemple, ce film Ghost World, donc, qui est un nouveau film qui n'est pas encore sorti, parce qu'il n'est pas, je pense, pas tout à fait encore terminé. Une collaboration avec un musicien, Michel Henrici, un musicien de, on va dire, musique underground, pour faire très très simple, de noise, de choses comme ça, dans un univers, on va dire, un univers visuel, un univers cinématographique un peu plus expérimental. J'ai perdu le fil, ce que je disais. Il y avait trois parts, oui. Voilà, donc la rupture, le Japon, ouais. c'est principalement ça. T'insistes quand même, je trouve ça intéressant, parce que quand on parle, t'insistes vraiment en disant que oui, le Japon est une rupture, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas un embrassement. Enfin, t'embrasses pas la culture japonaise, tu restes aussi qui tu l'étais avant. Et que certes, il y a des changements, bien évidemment, mais que on a un peu trop la facilité de te dire à chaque fois, ah oui, depuis que t'es au Japon, on ressent ça dans tes films, etc. Et je trouve que tu prends un peu de recul et t'essaies de pas trop insister là-dessus. Le printemps, par exemple, il se passe dans une forêt japonaise. Clairement, je suis allé à la campagne chez des amis de ma femme. J'ai pris des photos de la forêt, j'ai copié cette forêt-là. Mais j'aurais été en France, j'aurais copié une forêt française. C'est pas le but. Quand même, je tiens à mettre en recul par rapport à ça, influence japonaise et tout et tout. Je reçois quand même pas mal de commentaires de japonais qui voient mes films et qui me disent y trouver quelque chose de leur culture, mais y compris des films d'avant. Oui. Voilà. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Le troisième point, c'est que j'ai retrouvé, c'est le cas de Ghost World. Ghost World, c'est un film que j'ai entièrement fait tout seul. Il n'y a pas de production, il n'y a rien, etc. Et surtout, pas de dépôt de dossier, pas de scénario, pas de. C'est un film qui est improvisé devant mon ordinateur, pour l'essentiel. J'ai aussi voulu, en faisant ça, me mettre dans les conditions de travail de la plupart des auteurs indépendants japonais. qui font des films formidables, pas tous, beaucoup, en tout cas originaux, qui ont une et qui n'ont pas les moyens de support à la culture qu'on a ici. Alors attention, je ne dis surtout pas que ce support à la culture ne servirait pas à patati, absolument pas mon propos. C'est simplement qu'ils travaillent différemment, et à mon avis, le fait de travailler différemment crée des films différents. Donc j'ai aussi voulu voir ce que ça donnait chez moi de me lancer dans un projet. Voilà. Et puis, puisque je suis condamné, destiné à y rester maintenant, autant me préparer à avoir à un moment ou un autre passer par les mêmes circuits, les mêmes façons de faire. Il y a quelque chose qui a énormément changé, même si depuis le début c'est important, c'est ton rapport à la musique, ton cinéma à la musique. Et il y a quelque chose que tu disais qui était intéressant, qui était à un moment donné de voir presque se pas séparer, mais en tout cas travailler avec un autre musicien, alors qu'on a travaillé avec quasiment le même depuis le début, et se dire il faut que je fasse quelque chose d'autre pour casser quelque chose. Ouais, je n'ai pas travaillé quasiment avec le même, j'ai travaillé toujours avec le même, oui, Michel Corbe. Moi, j'ai aucune formation musicale, je n'y connais rien. Mon univers musical, c'est Brassens et Brassens. Alors, c'est bien Brassens, mais bon, on peut quand même reconnaître que c'est pas tout à fait très, très, très contemporain. Michel a fait mon éducation musicale. Il m'a tout expliqué sur comment on fabrique la musique d'un film. Donc, quand même, avec le temps, j'ai fini par comprendre. On travaille un petit peu mieux. On a cherché à se renouveler. On est un vieux couple, Michel Corbe. On a cherché à se renouveler. C'est pour ça qu'on est allé enregistrer les musiciens au Japon pour le printemps en improvisation. Il avait vaguement préparé son truc quand même, mais il a improvisé avec des musiciens, des instruments qu'on connaissait pas, etc. Puis on a vu une sorte d'attitude un peu jazz qui nous plaisait bien tous les deux. Puis une prise de risque, quoi, surtout. Voilà, et puis oui, bon, 6 films, 15 ans avec le même musicien, j'ai envie de faire d'autres choses. Puis en plus, là, c'est vraiment un univers différent. La petite différence sur Ghost World, c'est que c'est un film qui est fait pour la musique de Michel Henritzi. C'est pas un clip, parce qu'il a fait aussi, il a ensuite fait la musique pour s'adapter à mes images, enfin, il y a un ensemble. Mais c'est pas un film sur lequel j'aurais eu à chercher une musique. Non, j'ai la musique de Michel Henritzi, je fais un film là-dessus. Ça se ressent énormément, on a l'impression d'être d'un vrai dialogue, là. Je dis pas que dans les autres, il n'y avait pas de dialogue, mais là, c'est encore plus flagrant. Ah ben là, c'est un vrai dialogue artistique. J'ai pris un enregistrement d'un de ses concerts, j'ai fait une maquette visuelle en preview, je lui ai montré, il m'a dit ok, c'est intéressant, mais tu prends pas ce morceau-là, je t'en fais un autre. Donc je lui ai refait une autre maquette, il a envoyé ça, il a enregistré, donc une seule prise, voilà, et je finis le film là-dessus. Et je pense que s'il y a une suite à ce projet-là, on va pousser encore un petit peu plus loin ce dialogue-là. Nous, quand on pense pour beaucoup à l'image de synthèse, si on doit penser à liberté de création ou improvisation, ça nous paraît complètement fou. Le seul à la rigueur qu'on peut voir et qui n'est pas forcément le plus intéressant, qui est David O'Reilly par exemple, ce genre de personne. Je sais que Nicolas aime bien David O'Reilly, donc on ne va pas commencer un débat sur O'Reilly, mais on pense à ça et on a l'impression que toi, dans ta manière de travailler, tu recherches de plus en plus cette improvisation, en tout cas c'est une liberté plus grande dans ton travail. Alors, disons que dans cette veine-là, ouais, j'ai envie de pouvoir laisser la place à l'improvisation, au hasard, aux erreurs, etc. J'ai quand même des projets de films très très narratifs, très heureux, là, par contre là. Un scénario impeccable autant que je peux, animatique, storyboard, animatique, narration, enfin, etc. J'ai aussi des projets, je veux pas totalement abandonner cette veine-là, des choses très contrôlées, mais ouais, un petit peu de hasard. Alors, le problème, c'est que l'image de synthèse, encore plus que les autres techniques d'animation, s'y prête très mal. C'est des outils qui sont faits pour l'industrie. Donc comment arriver à manipuler ça de façon un peu plus aléatoire, c'est le sens de ma recherche pour ce genre de film. D'être seul, c'est important. Tu as beaucoup travaillé avec quelqu'un, avec Alexandre Dubosc, hein, qu'on a reçu ici, qui a été souvent dans tes films. Là, le fait de travailler seul dans ce film-là, et justement de pas se dire, bah tiens, un tel va pouvoir faire ça, mais d'être confronté finalement à tout faire soi-même et surtout dans un temps. Est-ce que tu t'étais donné un temps limité ou Non, je ne m'étais pas donné de temps parce que c'était pas possible. Oui, d'être seul, c'est fondamental. C'est pas possible de. Ou alors, si, il faudrait être à deux, mais alors cette fois-ci, pour le coup, quand Alexandre a travaillé sur mes films, il était salarié sur le projet. Il a apporté énormément de son univers, de sa façon de travailler, etc. Mais il y avait une hiérarchie malgré tout. Et ça, c'est pas possible de travailler en improvisation totale. Encore aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi pas si la personne qui. Si on est d'accord sur le départ. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, pour moi, c'était une expérience de travailler comme ça, sans. Donc, ça, je pouvais pas embarquer quelqu'un là-dedans. C'est un film que j'avais pas déjà terminé, je sais pas ce que ça donnait, etc. Donc, je vais pas embarquer quelqu'un là-dedans, quoi. Est-ce que voir beaucoup de films. Ou est-ce que voir pas beaucoup, mais voir des films, ça, c'est important pour toi, ça peut influencer. Encore une fois, je revois cette évolution quand je regardais tous tes films là pour préparer. On a 20-25 minutes ensemble, mais quand je regardais entre Le Puits, encore une fois, et Ghost Wars, c'est vraiment énorme. Et puis en passant hein, par des choses comme tu le dis, on sent un équilibre tout le temps de pas aller complètement dans un seul sens. Se dire, bah tiens, je fais un peu plus d'abstraction, puis je reviens sur un peu plus de narration, puis je reviens, voilà, pas forcément. Et est-ce que de voir d'autres films, ça te nourrit ou tu regardes aucun film, au contraire, tu essaies d'être. Plus dans ton dans ta création. Alors là, une question qu'elle est bonne. Je suis pas très très cinéphile, je dois dire. J'en vois d'autant moins des films maintenant que je ne peux les voir que qu'en japonais et mon niveau s'améliore mais me permet pas de tout voir. Ou alors des films anglais sous-titrés en japonais. Mais alors du coup ça limite quand même à l'univers anglo-saxon. Il y a des belles choses mais voilà. J'ai découvert Tarkovsky quand j'étais au Japon, on m'a fait découvrir, mais du coup je ne l'ai jamais vu qu'en russe sous-titré japonais. C'est intéressant. Parce que... Mais les trucs, enfin la nouvelle, les réalisateurs de la nouvelle vague quand ils découvraient Ozu dans les années 50, etc. En japonais, pas sous-titré. Mais et... on est pourquoi avoir découvert Miyazaki ou Takahata en japonais des fois non sous-titré en fait. Oui, ça. Je pense que de voir. Pour mes trois premiers films, c'était aussi une époque où j'allais énormément au festival. Comme mes premiers films ont bien marché, j'étais souvent invité, beaucoup de soirées courts-métrages. Enfin, j'ai quand même vu beaucoup de choses à ce moment-là. Et je pense que ça m'a amené un petit impasse, qui est celle de Raskani. Voilà. Parfois, quand je vois des films aussi, un exemple, Premier dimanche d'août de Florence Mial. C'est un film que j'adore absolument, que j'ai pas aimé à la première vision, que j'ai un peu mieux aimé à la deuxième, que j'adorais à la troisième, et à chaque vision, je l'aime un peu plus. Et c'est un film qui m'a donné envie de faire aussi un film avec une fête. Voilà, j'avais tenté mon coup avec Raskin, ça n'a pas marché. Retenter avec Le Printemps, ça marche un petit peu mieux. Donc voilà, c'est là où il y a quelque chose où c'est nourrissant de voir certains films. Bon, après, il y en a d'autres. Sébastien Lodenbach, qui est à mon avis un des plus grands réalisateurs en ce moment. Alors, puisque tu disais juste une petite parenthèse, pour ceux qui sont là, voilà, ce soir, Sébastien Lodenbach montre son nouveau film à Ciné 13. C'est au Ciné 13, je ne sais pas où c'est, mais ça doit être en haut, vers Abbesse. Et c'est entre 20h et 21h, vous pouvez y aller, donc n'hésitez pas. Pardon. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément sur son travail, sur ce que c'est que l'animation, etc. Et de le voir faire, de le voir pratiquer, ça me. Ouais, ça motive aussi. Ça pousse à pas rester dans la facilité. Voilà. Il y a des films qui tirent un peu vers le bas. Voilà. Est-ce qu'il y a des films, on va pas parler des films qui tirent vers le bas, mais est-ce que c'est intéressant ce que tu disais, par exemple, d'être en festival et que, par exemple, je sais pas, on parle beaucoup de tes films et de rester dans l'univers de Raskin, par exemple, de rester toujours dans cet univers-là. Est-ce que tu sens que des fois entre guillemets, pas cette facilité, mais se dire bon ben ça plaît, je continue, c'est l'un des tourments que peut avoir un auteur aujourd'hui, notamment en cinéma d'animation. Je ne sais pas si c'est un tourment pour les autres, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai absolument toujours voulu éviter. Le Puits, c'était en noir et blanc, c'était un film sans animation, c'est une sorte de voyage spirituel comme ça, un peu. C'était un film de décor, etc. Bon, j'aurais pu en faire un autre depuis, etc. La Mort d'Otto, à partir d'où on serait, bah maintenant ce sera en couleur, en plein soleil, c'était la nuit, on fera faire ça en plein soleil. Ce sera basé sur l'animation des personnages et leur interaction, il n'y aura pas de décor ou si peu. Et tout en une seule scène, quoi. Enfin, et pareil pour la suite. Il y a eu un moment, c'est ce que je disais, il y a un moment où tout le monde me disait, ouais, les petites créatures, c'est mignon, c'est sympa, génial et tout. Ok, je vais faire des cubes. Voilà. Mais ça, c'est personnel. C'est personnel. Il y a d'autres réalisateurs qui eux changent leur technique en permanence. Ils font du dessin animé. Je pense à Franck Dion, par exemple. Il a fait du volume, il a fait de la 3D. Il change de technique tout en gardant le même univers. Et puis d'autres vont carrément changer d'univers complètement. Bon, moi, je préfère rester dans une technique. J'ai fait des petites excursions à droite à gauche pour arriver à. Enfin, voilà, parce que c'est aussi ça qui me convient. Essayer de garder le même univers, de le faire évoluer, mais en faisant attention à ne pas s'embourber dans les films précédents, quoi. C'est déjà l'heure d'arrêter. Merci beaucoup, Jérôme. Il va rester. Jérôme, reste avec nous. Et j'espère qu'il participera. Il n'était pas à Annecy. Oui, mais j'ai plein de questions. Voilà, mais il a plein de questions justement. Donc voilà, on va faire une petite pause déjà avec donc le morceau suivant. C'est René Aubry tiré de l'album Plaisir d'amour et c'est 2001 et on revient juste après. Donc 2001 de René Aubry sur l'album Plaisir d'amour. Vous êtes bien sûr sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et voilà. Et c'est Bulle de rêve, bien sûr, l'émission 100% image par image. Et là, c'est super drôle parce que vous voyez pas, mais en fait, il y en a à ma droite, ils font plein de petites notes. Parce que, mais qu'est-ce qu'on va nous demander ? Là, j'ai aimé, ça, j'ai pas aimé. Bravo, vous avez bien préparé l'émission. Donc, mais Zappa qui est à droite. Donc, au moins, je ne peux pas. Festival d'Annecy 2014. Le Festival d'Annecy, pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros festival d'animation. Je me suis rendu compte cette année à quel point c'était le plus gros festival ayant eu la chance d'avoir été à Zagreb. Alors, je ne connais pas ni Ottawa ni Hiroshima, mais de voir à quel point, en effet, c'est vraiment un mastodonte Annecy. Avec donc ses côtés positifs et évidemment ses côtés négatifs. Je me rappellerai toujours d'une phrase qu'avait dit François Darras. Il est là, je suis trop fort. Et quand j'ai trouvé des gens, et alors en plus, je vais citer François Darras alors qu'il est là, et je vais mal le citer, en plus il s'en souvient pas. En gros, qui disait j'aime bien venir à Annecy parce que j'y vois à la fois le meilleur et à la fois le pire de ce que peut faire le cinéma d'animation. Et je trouvais que ça représentait bien finalement un petit peu le festival. Pourquoi vous allez au festival d'Annecy, François? Exactement la même chose que tu viens de dire. Mais j'y vais de moins en moins souvent du coup, puisque j'évite le pire et que j'ai rarement le meilleur, donc j'y vais de moins souvent. Ça commence. Francis, pourquoi tu vas au Festival d'Annecy? Parce qu'il y a un lac, il y a la montagne, journaliste. Il y a des bons restaurants. Comme j'y vais que depuis 2007, c'est quand même, ça reste récent. Mais je suis juste allé la première fois à Annecy parce que c'était un rêve, quoi, d'aller à Annecy. Et que quand je bossais pour la semaine de la critique, donc à Cannes, c'est vrai qu'on sélectionnait avec le temps, on s'est mis à sélectionner pas mal de courts-métrages d'animation, d'avoir un intérêt et puis une envie aussi de porter un petit peu le cinéma d'animation à l'intérieur du Festival de Cannes. En tout cas sur la partie court-métrage, puisque moi je m'occupais pas du long-métrage. Et que je savais que c'était l'endroit où d'un seul coup j'allais pouvoir avoir une overdose, donc avec le côté à la fois plaisant, ça rejoint peut-être ce que dit François, le côté plaisant de l'overdose et puis aussi la chute après, quoi. C'est pour ça, et que la première fois que j'y suis arrivé, ça a été un petit peu comme quelque chose de miraculeux, avec en plus une ville que je ne connaissais pas, et d'un seul coup avoir, c'était un jour où il faisait beau, d'avoir récupéré le catalogue, l'accréditation, le sac, et de me mettre sur un banc devant le lac, avec les montagnes qui me dominaient pleinement, et de regarder le catalogue et dire qu'est-ce que je vais voir pendant une semaine. Voilà, donc je vais pas faire le mécontent, le bougonneux, quoi. C'est bien. Émilie, depuis ton premier festival en 69. Non, elle est très jeune, Émilie, hein, je plaisantais, c'est parce que je pense qu'on s'est vu très très tôt au festival. C'est toujours le même plaisir d'aller au Festival d'Annecy. Tu peux baisser peut-être le micro un petit peu s'il est un peu trop Est-ce que tu auras le même plaisir pour toi d'aller au Festival d'Annecy ou... Si ouais, toujours, ouais. Sinon j'y retournerai pas, mais c'est vrai que très honnêtement cette année j'ai pas eu c'est la seule année où j'ai pas eu un coup de cœur. Chaque année il y en a au moins un, et cette année c'était plus égal. Est-ce que parce que tu vois plus de films durant le reste de l'année, ou tu penses non, c'était pas par rapport non. À... Moi, mes habitudes de consommateur de films d'animation n'ont pas changé. Je me nourris surtout à Annecy parce que le reste de l'année, j'ai pas vraiment l'occasion d'aller dans d'autres festivals. J'aimerais bien, en fait, justement voir d'autres points de vue de sélection et tout, mais c'est une question de moyens et de temps. Donc je vais un peu à Annecy par facilité pour voir un maximum de choses, parce que je veux vraiment voir les films. Mais j'ai pas été bouleversée. Normalement, il y a toujours au moins entre 1 et 4 films qui me bouleversent. Et puis là... On va revenir là-dessus. Le petit dernier qui a été à Annecy pour la première fois l'année dernière, c'est ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà, le petit nouveau qui va à Annecy. Est-ce que tu connais d'autres festivals d'animation? Bru, non? Je suis jamais allé à Bru. J'en ai fait un autre qui n'existe plus maintenant, c'est celui de Teplice. Okay. En République tchèque. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion d'aller souvent dans des festivals uniquement consacrés à l'animation. Donc c'est pareil, comme j'aime beaucoup voir les films et surtout les voir en salle, aller à Annecy, c'est quand même aussi... l'idéal pour pouvoir voir un petit peu le meilleur et le pire aussi des courts-métrages, mais de l'année sur grand écran. C'est, en plus, on peut pas le nier aussi, comme Francis le disait, la ville est absolument magnifique, on y mange très bien, cette année le temps était parfait. Donc c'est ça, la concentration pas... devant la montagne, ça va. Voilà. Jérôme, t'as déjà été à Hiroshima, au festival? Il y a 4 ans, une seule fois. Et par rapport à Annecy, moi je connais pas Hiroshima, c'est deux mondes vraiment différents, ou comme Zagreb? En termes de sélection, c'est à peu près semblable, avec ses... sauf que c'est beaucoup plus restreint. Il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a que deux salles, enfin trois, il y a une petite salle. C'est beaucoup plus modeste. Il y a un point commun, c'est le monde de l'animation, les Tokyo 8, viennent tous à Hiroshima et s'y retrouvent. Et ils n'ont pas le temps de se voir à Tokyo ou à Paris, et on arrive à Hiroshima et la possibilité enfin de discuter un petit peu, parce que... on peut plus travailler sur la prod, et là on n'a rien d'autre à faire que de discuter, prendre des verres. C'est le rendez-vous, comme nous, Annecy, voilà. Est le rendez-vous. Annecy reste quand même absolument exceptionnelle, je crois, par son ampleur et le nombre de gens qu'on y rencontre. Mais juste, est-ce qu'à Hiroshima, il y a beaucoup plus de places consacrées aux animes, ou alors c'est plutôt de l'animation comme on le voit à l'international? Quand je disais que c'était à peu près la même chose, effectivement, c'est sélection, c'est pas un festival d'animation japonaise, c'est un festival d'animation internationale au Japon. Cette année, le gros scandale, c'est qu'il n'y a aucun film japonais à sélectionner. Alors, ça a fait alors c'est au moins un mini buzz sur Facebook. C'est un comité de sélection, hein, donc c'est un comité de sélection extérieur, donc il y avait un japonais quand même dedans, mais voilà, c'est... Surtout qu'il y a vraiment pas mal de belles choses aussi japonaises. J'ai demandé à des personnages, comité de sélection, qui a dit juste « Ah bah, il n'y en avait pas de bons ». J'ai rien dit. J'ai pas cherché à aller plus loin. Est-ce que, on l'a dit l'année dernière, ça fait 2 ans, est-ce que, alors peut-être plus Nicolas, Émilie et Francis, est-ce que pour vous, il y a vraiment un nouveau festival Nancy depuis que Marcel Jean est arrivé en tant que directeur artistique, à part le retour de François Rasse, qui ne venait plus au festival Nancy, qui revient maintenant au festival? Non, ça fait 2 ans, j'y étais pas. Alors peut-être François, si tu veux le dire, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous considérez aujourd'hui, par rapport à la programmation, on parle pas, enfin, par rapport à ce que vous voyez du festival, est-ce que vous considérez qu'il y a une vraie différence? Nicolas, tu te lances Oui, je peux, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a une certaine, c'est-à-dire, bon, j'ai pas trop bien connu non plus la période précédente de Serge Bromberg, mais j'ai quand même l'impression, par rapport à la dernière année où il était là en tant que directeur, délégué général du festival, et aujourd'hui qu'il y a une différence, surtout au niveau de la programmation de courts-métrages, qui a bien changé. On a aussi pu assister au retour de Pierre Hébert cette année, qui n'était pas venu à Annecy depuis... Et Steven Olochen, ouais, 25 ans ou quelque chose comme ça. Disons qu'on a l'impression de voir une sélection des cours qui est différente. Par contre, au niveau des longs, j'ai l'impression que c'est plus ou moins quand même la même chose. On a quand même l'impression que le long, c'est un peu une vitrine aussi, ou les séances spéciales, une vitrine pour les grands studios, peut-être pour ramasser des financements, pour pouvoir amener du monde, des médias ou des choses comme ça, parce que c'est des films dont on parle. Mais j'ai l'impression quand même que ça change un petit peu au niveau du court-métrage, où ça devient un peu plus pointu. Francis? Moi, j'ai plus envie de réagir sur le long, parce que j'ai pas envie uniquement de me concentrer sur le court. Mais par rapport à ce que tu dis, de toute façon, tout ce qui est séance événement, séance spéciale, ça ne peut, comme on l'indique, c'est de l'événement. Donc ça ne peut, que ce soit Serge Bromberg ou que ce soit Marcel Jean, n'être en gros quand même qu'une vitrine. Et ça va être, cette année, c'était plutôt la vitrine américaine. Et l'année d'avant, c'était la vitrine française, quoi. Et puis l'année d'après, ça sera peut-être de nouveau la vitrine française. Ou alors, ça va être une vitrine japonaise, sait-on jamais. Même si là, effectivement, le Japon était présent. Mais le Japon, c'était... un événement au-delà d'un événement, j'ai envie de dire sans guillemets, commercial, quoi. L'avenue d'Isotakata. Voilà, donc là, évidemment, c'est un événement, mais en même temps, tout festival, et c'est pas spécifique à Annecy, et quand on travaille sur la programmation d'un festival en tant que directeur artistique, on est toujours à un endroit à se dire, je vais mettre de l'événement. Et l'événement, ça peut être, si on est sur un festival qui va être plus, j'ai envie de dire, ASF, film militant, ou je sais pas, même film expérimental, on va faire de l'événement à l'intérieur de cette définition. Donc on fera constamment de l'événement. Donc c'est pour ça, je pense que là, Marcel Jean, effectivement, il fait, lui aussi de l'événement, parce que de toute façon, c'est ce qu'on attend, parce que il y a une couverture média. Il y a différentes couvertures médias. Il y a la couverture média de ceux qui s'intéressent en profondeur à l'anime. Il y a la couverture média de ceux qui viennent pour dire c'est le plus grand festival d'animation du monde, donc on y va. Et ce qu'il faut, c'est la montée des marches à Cannes, quoi. Donc la montée des marches de Cannes à Annecy, qu'est-ce que c'est? C'est les séances événements, quoi. Donc on va faire Dragon 2. Que le film soit bien, pas bien, c'est pas le problème. On va faire Dragon 2 parce qu'on sait que là, dans ce cas-là, on va avoir une couverture médiatique qui va pas être la même. Et après, pour parler des courts-métrages et de la sélection, des risques pris par Marcel Jean, je pense qu'il en a pris certains, en dehors même de ce qui était la séance off-limite dont on pourrait parler, parce que elle a un statut, mais Nicolas en parle très bien dans le blog de 24 images, elle a un statut du coup un petit peu comme ça, claudiquant, quoi. Mais même en termes de programmation, il y a des séances où il a pris des vrais risques que je pense, parce que c'était pas le même tempérament, Serge Bomberg aurait pas pris. Aller dans l'extrême d'une séance avec des films glaçants, il ose le faire, il en met trois, voire plus, dans ce programme, qui doit être le programme 3, si ma mémoire est bonne, et il y va. Et oui, regardez tout sur les catalogues. Mais voilà, et il ose le faire. Donc peut-être que dans des partis pris comme ça, qui font que forcément, voilà, c'est cette séance-là, que forcément, il va avoir des retours, et parfois des retours assez violents, et ben c'est une prise de risque de programmation. Donc c'est peut-être la différence. Est-ce que vous faites toutes les séances? Enfin, est-ce que vous allez picorer, vous tous, aussi bien en court-métrage qu'en film d'étudiant, qu'en film de commande ou quoi? Ou non, quand vous allez à Annecy, vous dites, je vais voir qu'un seul style, Émilie? Moi, j'essaye de faire toutes les séances de court-métrage. Mais non, donc tu restes plutôt dans le court-métrage. Et il arrive que, accidentellement, je manque quelque chose, mais je constitue dès le début de la semaine. C'est ça que tu vas avoir en priorité. C'est ça, court-métrage étudiant, professionnel en compétition et hors compétition. Pas de long-métrage? Sauf quand l'image me donne envie d'y aller. Donc cette année, j'avais vu Le Garçon et le Monde. Mais les autres années, j'ai pas vu de long métrage depuis des années. François, je connais la réponse, mais les autres ne la connaissent pas forcément. Donc. Non, j'ai découvert Miyazaki, par exemple, à Annecy. Et c'était un pur bonheur. Un matin à 10h, j'ai vu Porco Rosso. Je connaissais à peine Miyazaki. J'étais absolument subjugué. Voilà. Alors je déteste l'image. Mais je suis parti dedans comme un gosse. Et voilà, c'était... Mais sinon, non, je vais pas voir de long métrage... Moi, j'aime un cinéma poétique et la poésie, à part parfois chez Dante ou d'autres gens comme ça, c'est plutôt des formes courtes. Voilà. Et c'est les formes courtes qui m'intéressent à Annecy, comme pour tout ce qui est de l'animation. Je peux aimer des films longs en animation, bien sûr, ça a pu m'arriver, mais c'est très rare que quelqu'un arrive à remplir de choses intéressantes une forme longue en animation. Voilà. Alors, Monsieur Krulik, c'est passionnant, parce que c'est aussi un documentaire, ça, c'est, voilà. Là, ou Valse avec Bachir, voilà, mais il y a un autre propos. Si c'est de la fiction de long métrage, je la laisse aux autres avec un pur bonheur pour eux, certainement. Est-ce que vous ressentez à Annecy ce que moi je ressens de plus en plus? Donc cette idée, par exemple, je dis moi je vais plus au MIFA, alors que j'y allais pendant des années, au moins une après-midi ou quelque chose comme ça. Alors, je sais que Nicolas y va pour récupérer les DVD, il me l'a dit. Est-ce que vous sentez d'un seul coup plus qu'avant? J'ai l'impression, avant, je sais que je me rappelle le mercredi, on disait oh là là, ça y est, le mercredi, les gens du MIFA arrivent, est-ce que t'as tous tes billets, etc. Il y avait un côté. Là, j'ai l'impression que de toute façon, tout est déjà cloisonné bien avant et on croise pas forcément les mêmes personnes et qu'il y a vraiment tous les mondes de l'animation sont de toute façon à Annecy et qu'on accepte plus facilement le fait que. Avant, il y avait un jeu entre les gens du MIFA, je me rappelle. Il y avait quand même, on les rencontrait, on savait qu'on était du même monde. Là, j'ai l'impression qu'on est enfin avec des mondes complètement différents. Il y a que moi. Je vois les regards où ma question est complètement. Ils la comprennent pas. ou alors, ils savent pas quoi répondre, ils savent pas. Nicolas. Enfin, moi, je vais bien essayer de répondre, mais j'ai quand même l'impression que c'est vrai qu'il y a un monde un peu différent entre le monde des séances, des festivals et le monde du MIFA. Le MIFA. Ça fait 3 ans que j'y vais, c'est là 3 ans que j'ai l'impression de voir plus ou moins la même chose, c'est-à-dire les mêmes stands à la même place avec quelques micro-différences chaque année, quelques disparitions, quelques apparitions, on voit entre guillemets quelques marchés émergents comme cette année, il y avait la Chine qui avait énormément de stands, alors beaucoup plus que d'autres années. La Corée a pratiquement disparu du MIFA aussi cette année alors qu'elle était beaucoup plus importante l'année dernière, mais en même temps, on a l'impression que c'est beaucoup plus un monde de professionnels, de gens qui s'occupent d'économie, de marketing, et de choses comme ça, beaucoup moins un monde artistique à côté du MIFA. Et beaucoup plus aussi orienté sur la télévision et le long métrage que sur le court, même si ça reste à modérer un peu, mais ça reste un peu ça. Émilie ? Moi, je trouve que de toute façon, il y a un problème d'accès au MIFA. Heureusement, je trouve que le plus intéressant, bien sûr, c'est tous les pitchs de projets, mais moi, j'y vais plus du tout depuis plusieurs années, à l'exception des pitchs, mais... En fait, je viens seulement découvrir que quand on fait partie de la SACD, on peut avoir un accès à la journée. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de film, si on n'est pas à la SACD, finalement, les autres, il y a eu des années où on me donnait des tickets. Et finalement, maintenant, si on n'est pas à la SACD, ben on n'a aucun moyen d'y aller. Donc je trouve qu'effectivement, c'est deux mondes qui se séparent. Parce que c'est difficile d'y rentrer. Jérôme ? Ouais, moi, j'ai plusieurs années, je suis allé pour le MIFA, pour présenter des projets, pour, etc. Plus d'autres années uniquement pour le festival. Il y a un autre point, je crois, qui est que quand on y va pour le MIFA, parce qu'on a un projet à présenter, parce que les producteurs, souvent, qui veulent essayer de choper telle acheteuse de telle chaîne, etc. On est dans un état d'esprit, j'allais dire, de business, mais pas forcément pour... Ça peut être aussi pour du court-métrage d'auteur. Mais enfin, on y vient pour continuer son activité professionnelle. Et en tout cas, dans mon cas, ça m'a obligé à me mettre dans un certain type d'état d'esprit. Faire très attention à ce que je disais, enfin ça, bon, ça. Et puis quand je sors pour aller à la projection, etc., et que je me retrouve avec des copains qui eux sont dans un état d'esprit de découvrir des films, moi j'ai souvent eu du mal à switcher entre ces deux choses. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est pas tant une histoire de culture professionnelle, etc. Beaucoup des gens qui vont pour passer leur semaine au MIFA sont des grands amateurs d'animation, etc. Mais on vient pas pour la même chose. Il y en a besoin de se mettre dans un certain état d'esprit. Le festival, c'est fatigant pour tout le monde, je crois. C'est quand même très très dense. Et il y a un moment où il faut faire ses choix, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, on peut pas tout faire. Est-ce que, on va parler évidemment dans une deuxième et troisième partie de la compétition, bien évidemment. Est-ce que vous avez un coup de cœur cette année sur quelque chose qui n'était pas forcément en compétition? Un work in progress, une séance il y a eu beaucoup de séances en volume, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, vous avez, c'est intéressant ce que disait François, dire découvrir un Miyazaki, découvrir Porco Rosso à 10h du matin alors que ça n'entendait pas, que vous avez découvert quelque chose qui vous a intéressé? Ah, François reprend. Il y a un titre que j'oublie, oui. J'ai été subjugué absolument par un film de Starevitch, donc une pure vieillerie. La reine des abeilles, non, des fourmis, je sais plus. C'est extraordinaire. J'essaie de retrouver, c'est pas dans Les Griffes de l'araignée? Non, c'est celui qui était après dans le programme. Parce qu'il y a Mon Noir et Blanc, La Reine des Papillons. La Reine des Papillons, là, c'est une pure merveille. Restauré de manière étrange par la petite fille de Starevitch, mais bon, grâce à sa restauration étrange, on peut au moins le voir. Pourquoi étrange? Parce qu'elle y a collé sa voix, qu'elle n'est pas comédienne, parce qu'ils ont restauré de manière numérique la chose et que le numérique est très présent dans l'esthétique de l'image, qu'il y a des cartons qui ont été réinterprétés parce qu'ils m'ont expliqué que la copie qu'ils avaient était une copie en hollandais, pardon, et donc il fallait bien traduire ça autrement, est-ce qu'ils ont raison, et donc ils ont figé des images du film et puis avec une typo différente, voilà. Mais ceci dit, grâce à cette réaction que je conteste, on peut voir le film, donc merci, et ce film est une pure merveille. Non, Starevitch est toujours donc aussi je connaissais pas ce film, mais j'ai été vraiment subjugué. C'est un film foisonnant, un film de fou, et ça finit par une sorte d'animation abstraite incroyable, de beauté, de fantaisie. Enfin, c'est vraiment un film de fou total, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vraiment Starevitch est le premier grand auteur du monde de l'animation? Parce qu'on parle souvent de Cole, de Reno, on connaît mal, et j'ai l'impression que Starevitch, pour moi en tout cas au niveau cinématographique, j'ai l'impression qu'il comprend de suite ce que le cinéma peut apporter. Alors, il fait du volume, hein, c'est un petit peu différent, mais il y a une force chez Starevitch quand même qui tient encore aujourd'hui. Mais il y a une folie totale. Il y a des scènes où il y a 40, 50 personnages animés qui font de la musique, qui se battent. C'est incroyable. Et puis c'est incroyablement beau aussi. Plastiquement, c'est absolument somptueux. Donc Starevitch, Nicolas ? Moi, c'était à 10h du soir plutôt. C'était un documentaire sur Bruce Bickford qui s'appelle Monster Road. Je ne connaissais pas vraiment le travail de Bruce Bickford. Je connaissais essentiellement deux noms. Et j'avoue que le document, la personnalité, autant la personnalité de l'animateur tout seul dans son espèce de cave avec ses milliers, centaines de milliers de figurines qu'il a créées, sa vie absolument délirante aussi, son travail avec Frank Zappa dans les années 70, c'était assez impressionnant. C'est un autodidacte qui fait tout seul, et les animations qu'il arrive à produire comme ça en volume, en pâte à modeler, c'est absolument hallucinant, je trouve. Alors, j'étais assez impressionné par ça. Starevitch est pas encore forcément disponible, il faut regarder en DVD. Je sais qu'il y a un DVD qui sortit récemment, Monster Road, est disponible aux États-Unis. Par contre, les films DVD. De Bruce Bickford eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils soient édités. Alors, si, y a, en fait, il y a le dernier qui est sorti, qui fait une demi-heure et qui s'appelle, ça, j'ai un trou de mémoire. Mais en effet, sinon, on peut retrouver sur Internet et on retrouve, il faut aller plutôt du côté de Zappa, puisqu'en effet, il a fait beaucoup d'animations pour Zappa. Et donc, il y a certains DVD de Zappa où vous retrouvez des animations de Bickford. Francis. Je laisse Emilie à la fin comme ça. Moi, hors compétition, sur des séances qui seraient un petit peu des choses spéciales, je dirais pas forcément parce que j'en ai pas fait. Moi, c'est vrai que je venais avec un petit désir monomaniaque qui était le Brésil, et donc là du côté long métrage, parce que c'est ce qui m'intéresse. Si tu veux, moi j'y vais. Alors c'est vrai que je fais toujours ce que tu disais tout à l'heure. Bah effectivement, moi je fais toujours la compétition court. Donc je fais les 5 programmes, un peu comme j'ai envie de dire, un peu comme à Clermont, je fais toujours les 5 programmes de labo, quoi. Mais à côté de ça, sur le long métrage, bah, cette année, c'était plus une année de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un retour du Brésil, de l'animation brésilienne contemporaine? On a vu l'année dernière, bon, même si on peut ne pas aimer le film, ce qui est mon cas, Rio 2096, donc qui obtient le cristal. Donc cette année, un film arrive que moi j'attendais depuis un paquet de temps parce que j'en avais déjà entendu parler longuement. Donc qui est le garçon et le monde d'Ale Abreu. Donc oui, je sais, mais c'est pas pour parler du film là. C'est pour parler de l'animation brésilienne et dire que ce qui était du coup intéressant dans la programmation donc proposée, c'est qu'on avait 3 films brésiliens. Donc effectivement, ce film entre guillemets événement dans la programmation et dans l'attente qu'il y avait autour. Et puis à côté de ça, en hors compète, ben 2 film, un que je viens de voir là, que j'ai vu hier, qui est Sbornia de Otto Guerra, mais surtout c'est surtout voilà le documentaire donc qui en français s'appelle Moteur Action Animation et donc qui est pas intéressant sur la forme, qui a vraiment aucun intérêt sur la forme, mais qui est intéressant sur le fait que on retrace une histoire de l'animation brésilienne et on voit que l'animation brésilienne commence en 1917 avec un film aujourd'hui invisible parce qu'il a été perdu qui s'appelle O Kaiser, et on découvre comme ça tout un pan qui est absolument passionnant, qui est absolument fourmillant d'animation avec des trucs absolument monstrueux et hideux et fait pour télé Globo, donc ça serait un peu l'équivalent du Tout Venant pour la télévision française, mais à côté de ça avec des espèces d'allumés comme Otto Guerra qui est un peu finalement le Ralph Bakshi des brésiliens, et puis donc voir cette effervescence. Et ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire que là en tout cas sur ces 2 dernières années, l'impression que l'animation brésilienne et en plus le long métrage d'animation brésilienne reviennent en première ligne. Et je sais que l'année prochaine à la Cinémathèque, il va y avoir un cycle sur le Brésil, et il est plus ou moins question de voir si effectivement, bien sûr on va parler du cinéma novo, bien sûr on va parler de toute la jeune garde brésilienne, d'Esmir Filho à Caetano Cotardo, mais peut-être de voir aussi d'y intégrer de l'animation brésilienne. Donc moi c'est vrai que cette année sur le Brésil, la programmation du festival était assez vibrante, quoi. Est-ce que tu sais si ça peut sortir ou il y a je sais pas si t'as demandé, t'es voir, je sais que non, parce que je dirais que le documentaire là en lui-même, il est le distributeur qui sort ça, il est pas courageux, il est suicidaire, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt spécifique, quoi. Ouais, il faudrait que ça sorte en DVD ou que ça soit sur Arte. Oui, ou alors que pourquoi pas il soit accessible sur Internet, dans de la VOD, ouais, des choses comme ça. Parce que voilà, il est intéressant à suivre, quoi. Émilie. Est-ce que dans hors compétition, dans tout ce qu'il y avait, programmes spéciaux, etc., tu as quelque chose qui t'a plu? Je suis pas retournée voir Starevitch, mais je suis complètement en accord avec ce que disait François Daras. C'est vraiment extraordinaire, Starevitch. J'ai eu plusieurs chocs quand j'avais 12 ans, puis à nouveau quand j'avais une vingtaine d'années. Enfin bref, on n'oubliera jamais, c'est juste fabuleux. Et moi, ce qui m'a frappée, c'était aussi Le Garçon et le Monde. Parce qu'en fait... C'est en compétition. Oui, hors de la compétition. On va revenir, vous inquiétez. Évidemment, on va parler du Garçon et le Monde. Mais dans ce qu'il y avait. Dans les programmes spéciaux. Dans les programmes spéciaux, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou pas forcément? Tu peux dire non, moi. J'en ai pas vu énormément. Je suis allée voir Yo Pressing et j'étais contente de savoir que c'était lui qui avait fait le petit lion Lucky, que j'ai regardé des millions de fois en l'adorant. Voilà, donc j'ai vu que deux programmes spéciaux. J'ai vu aussi, on m'a dit que c'était extraordinaire, Bruce Bickford, effectivement. J'ai vu Ray Harryhausen et et voilà. Non, je sais pas. Okay. Et puis il y a la performance de Pierre Hébert aussi qui était intéressante. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, j'étais ouais. surpris que personne n'en parle. Bah, tu n'y étais pas. Hébert, non, mais c'est pour ça, mais vous m'avez dit plein de bien, et donc voilà, je m'attendais en effet. Alors, parce que c'était quand même un effet intéressant, moi non plus, j'ai pas pu voir grand chose. J'ai trouvé ça très intéressant. J'en ai vu une, les programmes McLaren aujourd'hui, où justement l'idée, tout n'était pas bon, oui, mais tout n'était pas bon, mais je trouvais ça intéressant finalement de confronter même le regard de McLaren, en tout cas sur le cinéma, un cinéma abstrait avec ce qui se passe aujourd'hui, et ça évitait la redondance de voir, même si on peut regretter de pas avoir vu plus de McLaren, parce que sur grand écran ça prend une force qui est quand même assez étonnante. Mais voilà, mais j'ai trouvé ça, en tout cas dans la programmation, on parlait de programmation, j'ai trouvé ça assez intéressant. Vous avez, j'espère, vos couteaux pour la suite. On va parler de la compétition, des choses qu'on a aimées, qu'on n'a pas aimées réellement. On va avoir 50 minutes pour parler de ça. On va faire une petite pause française encore avec Claude Nougaro. Le cycle amène, et c'est tiré de l'album Seram. On revient dans 4 minutes. Claude Nougaro au début des années 70 avec le cycle Amen de l'album Sœur Âme, toujours bien sûr Radio Libertaire, toujours Bulle de Rêve. on abandonne la compétition film de télévision. Voilà, comme ça, vous savez à qui vous avez affaire autour de la table. Personne n'a été voir un seul compétition. Si, Nicolas. Mais rien de... D'en parler. Rien, d'accord. J'en ai pas vu, mais j'en connais. J'ai pas été voir les films. On peut pas tout voir, de toute façon. Oui, oui, je... T'es toujours à devoir faire des choix. C'est comme, par exemple, moi, j'ai pas vu les films de fin d'études, mais j'en connais. Et il y en a au moins deux pour lesquels, moi, j'ai beaucoup d'admiration, quoi. Alors, par exemple... Allons-y. Moi, dans les films de télévision, par exemple, j'ai bien aimé quand même le plus court, en fait, le français sur Prévert. D'accord. Tu as bien aimé Temps de forêt. Voilà, Temps de forêt. D'accord. Mais je me demande si je l'ai vraiment bien aimé en tant que tel ou si je l'ai aimé parce que tout ce qu'il y avait avant était tellement monstrueux que finalement celui-là pouvait paraître que génial à côté des autres. Oui, parce que t'aimes bien la série aussi, puisqu'ils en avaient sélectionné un sur l'ensemble des 13 films, quoi. Donc, pourquoi c'est celui-là. C'est pas mon préféré, mais c'est bon. Pas non plus mon préféré, voilà, mais qui est sympathique. Oui, oui, oui, bien sûr. Et pourquoi, voilà, après on peut se dire aussi que c'est parce qu'on peut apprécier le projet et de se dire que c'est aussi le projet qu'on a envie de mettre en avant dans la production télé un peu standardisée. Ça se décale un petit peu, quoi. Ok, film d'étudiants, est-ce que vous avez des coups de cœur? Est-ce que vous avez des films que vous avez détestés? On peut y aller, on balance. Mais je sais, Émilie, tu n'y arriveras pas, vous n'êtes pas obligée. Hein. Coup de cœur, Émilie, film d'étudiant? Coup de cœur. Tu nous dis que tu n'avais aucun coup de cœur, mais est-ce qu'il y a des films qui sont vraiment. Quand même. Heureusement, je ne suis pas encore tout à fait blasée. Si, j'ai beaucoup aimé Louis de Mathilde Parquet à l'EMCA. J'ai trouvé que c'était un film très fort et très intéressant visuellement, graphiquement, très, très audacieux. Et puis, en étudiant. Allez-y, hein, n'hésitez pas s'il y en a que vous aimez, Francis. Pendant que Émilie réfléchit, j'en profite puisqu'elle parle d'un film de l'EMCA, donc je parle d'un autre film de l'EMCA qui est Je repasserai dans la semaine, de Loïc Espuchet, Alizé Chola et Sophie De Vautour, que je trouve être un film très très fort sur la vieillesse, mais sur le rapport entre le regard d'adolescent face à la vieillesse. Et je trouve que le film est très simple sur le fait de devoir pour un petit-fils venir relever son grand-père qui est tombé. Donc répondre à l'appel de sa grand-mère et venir avec un copain relever ce grand-père. On sent vraiment, il y a une scène, quoi, et on sent la densité à l'intérieur de cette scène. On sent la vérité de la chose. Moi, je trouve qu'il y a une force de vérité. En même temps, il y a un humour incroyable avec ce personnage de grand-mère qui n'arrête pas de parler. La comédienne qui prête sa voix est absolument fantastique. Et il y a comme ça un rapport entre le personnage et la comédienne qui est d'une drôlerie. Et une drôlerie dans une scène d'une dureté. Et je me dis que là, moi, je dis juste chapeau parce que je dis que c'est un film d'étudiant qui est d'une densité absolue et qui sait ménager à l'intérieur d'une même séquence des émotions très différentes. Et je dis que là, vraiment, on a, à mon sens, un très, très grand film, quoi. Donc, c'est un des deux films d'étudiants, moi, que j'aime énormément. Vous avez le droit de dire, évidemment, si vous n'aimez pas l'un des films que... Mais je ne l'ai pas vu. Voilà. J'avais envie de le voir et je ne l'ai pas vu. Donc, il est sur Internet, Louis, voilà. Si vous voulez, de Mathilde, il y a un parquet, il est sur Internet. Nicolas, François, est-ce que vous avez eu des coups de cœur, des films que vous aimez bien ou que vous avez détestés, ou vous demandez? Moi, je vais vous dire, si je vous dis ça, c'est aussi que je trouve que... Alors, j'ai eu la chance cette année de faire la sélection à Zagreb, donc j'ai vu beaucoup des films, mais c'est vrai qu'on a fait une sélection qui était complètement différente, même par rapport à l'année dernière, puisque c'est tous les deux ans. Et je trouve à chaque fois que la sélection d'étudiants, autant j'aime bien celle de cours, autant celle d'étudiants, joue beaucoup sur des fois des effets, des films bien faits, des films qui... Alors, pas tous, hein, il y a aussi des petites surprises, mais ou alors c'est une narration qui est assez forte, en effet, Louis, je repasserai dans la semaine, enfin voilà, il faut une narration forte, ou alors il faut que ça soit un petit peu fun, il faut qu'il y ait un côté un petit peu, et je trouve qu'il n'y a pas la même exigence pour moi, pour les films d'étudiants que pour les films courts. Voilà, ça c'est ma petite critique, on va dire, par rapport à ça. Nicolas? Moi, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pu voir qu'un programme, c'est le deuxième, et en fait, il n'y a pas de films que j'ai vraiment détesté ou qui m'ont pas plu du tout dedans, enfin, sauf peut-être... Le tout dernier, Espero, qui n'était pas forcément fabuleux. mais sinon, ouais, celui que j'ai le plus aimé, je pense, ça reste 8 secondes de Yutaro Kubo. Le film japonais sur une séquence de 8 secondes qui s'étire, à non plus finir, et qui était plutôt intéressante et assez bien fait. Ça, justement, peut-être la moins. Enfin, avec une narration qui devient de plus en plus abstraite, justement, et. Alors moi je continue en attendant, à moins que François t'aies quelque chose qui te vienne, sinon je... Non, moi j'ai découvert deux films belges grâce à toi, dont un que j'ai pu revoir en salle après, donc Rêve de brume, qui a un début absolument magnifique et une fin beaucoup moins belle, voilà. On est d'accord. Et qui m'a touché. Voilà, c'est une balade crayonnée dans la montagne. Et tant qu'on n'est pas dans la narration, c'est absolument magnifique. Voilà. Il faut que tu vois la balade qu'elle a fait aussi. Et donc La Soupe aux Fraises, l'autre film hein, qui n'est pas en compétition, que t'as vu. Donc, ouais, mais je n'en ai vu que des images. Là, des images sont somptueuses et très très bien composées. Enfin, ouais. C'est quelqu'un qui a un talent de plasticienne incroyable. Mais je n'ai pas vu le film entier, donc je ne sais pas si le film en tant que narration, en tant que tout, a un intérêt. Mais plastiquement, c'est vraiment plus que réussi. Ouais. Moi, les films d'étudiants, donc il y a en effet Yubukutaro, hein, je pense que c'est l'un des grands noms de l'animation qui devrait arriver avec deux films, Kicking Rocks et 8 secondes, donc deux films absolument étonnants qui viennent évidemment, j'allais dire évidemment la Gedai, non, c'est faux, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles intéressantes, évidemment, au Japon. Sophie Racine, dont on vient de parler, qui avait déjà fait Balade, que j'aime énormément, et là qui renchérit, même si en effet, je suis d'accord avec toi, j'aime moins la fin de Balade de Brune, mais qui est une réalisatrice assez étonnante et qui propose un cinéma intéressant. J'aime bien Symphonie numéro 42, Reka Bukshi. The Bigger Picture aussi, qui a eu le grand prix, que je trouve assez étonnant parce qu'il arrive à travailler certes la forme mais aussi le fond avec cette histoire bouleversante de ce frère qui n'est pas finalement tant aimé que ça par sa mère, et le combat entre les deux frères et quand même ce qui va jusqu'au bout et qu'on arrive à mélanger le fond et la forme comme ça, c'est quand même juste exceptionnel en animation. C'est un film absolument magnifique. Je pense qu'on aura évidemment parlé beaucoup d'elle prochainement. Voilà, je l'ai reçu et j'ai un trou de mémoire sur son nom. J'en suis désolé, de la réalisatrice de Bigger Picture. Daisy Jacobs. C'est Daisy Jacobs, merci infiniment. Alors ça c'est les films d'étudiants. Ah oui, Francis. Oui, excuse-moi, parce que pour les films d'étudiants, je veux pas ne pas le citer, parce que c'est un film que je me traîne dans la tête depuis que j'ai découvert à Clermont-Ferrand quand même. Donc au labo bien à Clermont-Ferrand, donc en février dernier. Donc c'est The Charlotte Temple, ouais, de Daniela Scherer, qui pour moi, alors là j'ai dit beaucoup de bien de Je repasserai dans la semaine, là j'en dirai encore plus de The Charlotte Temple parce que je ne l'ai pas oublié depuis le mois de février. C'est finalement la confrontation pour un petit garçon de la sexualité de sa mère. C'est un film qui a un sens du vide dans ses cadres. Je crois que c'est une animation flash, hein, si je dis pas de bêtises, qui travaille sur le noir et blanc avec juste une touche de rouge sur quelques éléments emblématiques, et qui a un regard sur l'enfance, enfin d'une pas d'une cruauté parce que c'est pas cruel, mais d'une vivacité, d'une violence qui est que je trouve très intéressante, parce que on sort un petit peu de la mièvrerie du regard sur l'enfance et qu'elle arrive à en faire un très très beau film, et que ça, je pense que c'est un film à côté duquel on ne peut absolument pas passer, et que c'est une réalisatrice qu'il va falloir suivre juste après, quoi. Malheureusement, d'ailleurs, c'est un peu ma... Je disais, beaucoup de films de la National Film Television and School, très bonne école, sont sélectionnés. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de films du Royal College of Art, dont j'ai montré beaucoup de films lors des rencontres que j'ai la chance d'animer, qui sont, et à mon avis, la prédominance. OK, il y a les écoles françaises, on sait à quel point elles sont fortes, à quel point il y a des choses extraordinaires qui sortent. Et je pense que au même moment, à la même hauteur, je trouve que moi, ce que j'ai vu à Zagreb et ce que j'ai vu là montre la prédominance des écoles anglaises et japonaises à un très haut niveau, et surtout dans une vraie liberté, dans une vraie diversité qu'on a du mal à avoir dans beaucoup de pays. Et quand on voit ça, c'est vrai que c'est un vrai bonheur, parce qu'on se rend compte que les écoles laissent encore de la liberté. Et même, alors évidemment, il y en a... j'ai pas parlé de la Belgique, évidemment, la Cambre, mais c'est souvent des écoles, alors que là, on voit une diversité absolument étonnante. Et moi, ça me rassure, ça me conforte, parce qu'on est dans un monde de plus en plus difficile pour la liberté de création. Et je trouve, voilà, et même par les étudiants eux-mêmes qui s'angoissent évidemment de qu'est-ce qu'on va faire en sortant de l'école. Et là, d'avoir cette folie qu'on peut avoir au Japon, en Angleterre, est vraiment quelque chose de très réjouissant pour moi. Et de, voilà, faut se battre par rapport à ça. François, dernière petite chose. C'est vrai qu'on a parlé que de films de jeunes femmes, voilà, c'est tout. Oui. Non, Loïc Espuchet, ouais. Je passerai dans la semaine. Très il corrige avec deux femmes. Non, mais oui. C'est son expérience à lui, il me l'a dit. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Mais dernière petite chose qui est intéressante, et je tiens à le repréciser, en effet, j'arrêterai avec les sélections de comité, puis de toute façon, je l'ai fait à Zagreb, c'était que les films d'étudiants. En effet, on a fait le comité, on a pris nos films, et puis d'un seul coup, j'ai dû faire le petit texte à la fin. Mes camarades s'occupaient de la programmation, j'y connais rien. Moi, je faisais le petit texte et je me suis dit, bah, tiens, il y a combien de pourcentage de femmes? On n'avait pas du tout pensé à ça. Et plus de 60% des films, plus de 60% étaient faits par des femmes. On n'avait pas du tout fait attention, il y avait une seule femme dans le comité de sélection. Et il est évident, la grande bataille, on verra, parce que l'année prochaine, c'est femmes et animation, donc le thème. L'important, évidemment, c'est qu'elles tiennent maintenant en court-métrage. On en a peu encore en court-métrage, ça arrive de plus en plus. Et aussi de longs-métrages et de séries télé, etc. Et ça va être, voilà, c'est l'un des grands combats aussi à mener. Il est, à mon avis, passionnant et il est absolument fondamental. Donc, c'est, voilà, c'est absolument passionnant. On va voir ce que ça va donner. D'autant plus qu'on m'avait dit que dans le comité de sélection d'Annecy en court-métrage, il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme. Bah, en fait, court-métrage étudiant, puisqu'il y a Marcel Jean et trois acolytes qui sont derrière. Donc, ils sont quatre hommes, en effet. Ce qui manque, à mon avis, pour les films d'étudiants, les longs-métrages. Alors, François en scène n'a pas vu de long-métrage. Émilie... Je peux dire du bien ou du mal de long métrage que je n'ai pas vu. Oui, comme ça on pourra. C'est vrai qu'on voilà, pourrait le faire. Est-ce que vous avez des coups de cœur sur les films, les longs métrages en compète? Est-ce que vous avez des films que vous avez détestés, qu'il ne faut pas que ça sorte en salle, il ne faut surtout pas le voir? Je ne suis pas d'accord avec Nicolas, donc je vais le dire. Nicolas, dans son premier petit papier, parle d'exclusivité de longs métrages sur le blog. Ça serait évidemment une grosse erreur que Annecy se mette, pour moi, à l'exclusivité, dans le sens où, en effet, Annecy est international et, même si j'aime pas, par exemple, trop Minuscule, mais le film est évidemment passionnant, est intéressant, et il est intéressant que des gens puissent le voir hors France, et ça continue, justement, ça montre ça. Et je trouverais ça inquiétant, mais ça veut dire que si on commence par les longs-métrages, je pense que les courts-métrages sont un peu après, et là d'avoir l'exclusivité sur les courts-métrages, ça serait évidemment terrible. Moi, je vois pas l'intérêt en tout cas d'avoir des films exclusifs, à part pour la presse. Mais on s'en fout un peu. Non, mais voilà, moi c'est mon point de vue. Mais c'est juste pour réagir, parce qu'en fait, si on en parle aujourd'hui, c'est quand même au moment de la conférence de presse, ça a été évoqué par le festival. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ça a été évoqué, donc c'est pour ça, et que jusqu'à présent, je dirais que c'était peut-être pas évoqué de manière aussi public, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais pas forcément dans une conférence de presse, si tu veux. Donc l'annonce de se dire on réfléchit à ça dans la conférence de presse, ça lui donne une dimension différente, parce que d'un seul coup, tout le monde l'entend dire. Enfin, la personne qui l'a dit est une distributrice qui n'a pas vu son film, qui a vu son film non sélectionné. Non. Non. Non, parce que ça a été dit dans la présentation au moment de la conférence de presse. C'était une question à un moment donné. C'était dans les questions après. Oui, sauf que effectivement, on a quand même un retour qui est, on s'interroge sur le fait de, et s'interroger sur le et dire, on s'interroge sur le fait de. Moi, je pense que quand même, quand tu t'interroges à ce moment, à cet endroit-là, ça donne une résonance. Sinon, on se poserait pas forcément la question, quoi. Nicolas, parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord. Évidemment, tu as la réponse. Enfin, tu attends, on va voir. La réponse, je sais pas, mais je pense quand même que même si le festival est international, évidemment, les films devraient sortir. Mais je pense que peut-être que les distributeurs auraient peut-être pu essayer de jouer un peu plus ce jeu aussi pour avoir justement l'exclusivité. Je pense que justement. Ah là, tu parles carrément de Plimpton, de des distributions, par exemple, ou de voilà. Là, on est. L'île de Giovanni qui est sortie une semaine avant le festival. Ah, donc c'est pas complètement tout. C'est d'avoir ces gens qui sortent finalement peu de temps avant le festival. C'est voilà, ça, c'est ça. C'était par rapport à ça essentiellement. Ok, d'accord. Pardon alors. Des coups de cœur ou des coups de gueule sur les longs métrages? Moi, je me lance avant. Vous voulez de suite qu'on parle du Garçon et le Monde? Allons-y, Émilie. Donc je n'ai vu que celui-là, mais j'ai été très frappée par au-delà de la qualité artistique du film, du courage du producteur et du distributeur. Effectivement, je me suis dit, ça c'est vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas que c'était possible. Bon, on va continuer dans ce coup de cœur amoureux. On sait, Francis, je sais que tu es un grand fan. Non, je déteste le film, en fait. J'aime pas, j'ai été très déçu par le film, je m'attendais vraiment à quelque chose. C'est pas possible, le réalisateur. Je l'ai vu juste après Annecy, et la seule chose qu'il m'a dit, je parlais avec lui, je disais oui, voilà, il m'a fait, oh, vous connaissez Francis Gavel? J'y crois vachement. Si, c'est vrai en plus. Parce qu'il t'a donné toute la musique. Non, pas tout. Pour l'instant, il m'a donné la musique, la chanson. Je vais revenir vers lui parce qu'effectivement, alors on a en plus la joie là d'avoir une vraie belle partition de musique brésilienne dans des tendances très différentes, ce qui n'était pas le cas pour Rio 2096. Quoi. Voilà, par rapport à ce que dit Émilie sur le courage, et effectivement, c'est un courage et un questionnement en même temps. Quand le film va sortir, donc c'est le film du Préau qui le distribue, ce qui prouve encore une fois la qualité de leur travail, la qualité de cette envie d'aller chercher, quoi. les choses, bah, la question c'est comment, comment sortir le film le 8 octobre, quoi, pour qu'il arrive jusqu'au public, parce que c'est ni effectivement de la 3D à l'américaine où on sait que là il y a une force de frappe promotionnelle qui va faire que, et c'est pas non plus un film français où on va y aller peut-être un petit peu par patriotisme, voilà, comme ils savent bien le faire. Alors parfois tout à fait raison, d'autres fois on peut ouvrir des yeux ronds comme des soucoupes. Là voilà, on est dans un film qui est en plus donc graphiquement va être dur à installer alors qu'il est absolument merveilleux et qu'il ose énormément de choses, moi je trouve en tout cas, de l'abstraction à la représentation même des personnages, et à côté de ça qui est un film qui ne recule devant rien, ce qui malheureusement est souvent le cas dans des longs métrages français, pas tous hein, mais je dis souvent le cas, là c'est le contraire, quoi. Montrer finalement une répression, le film y va, le film le fait. Évidemment, c'est fait avec une telle force graphique qu'on n'est pas dans la, on n'est pas dans la, dans le réalisme, mais on est dans la vérité d'un moment de répression, quoi. Ou d'un moment d'exploitation dans le monde du travail. Donc le film fait aussi ça, et je trouve que pour un film donc qui se situe entre guillemets sur du jeune public, c'est effectivement culotté. Émilie, mais un petit détail mais qui est énorme, c'est un film sans parole sur un long métrage. C'est extraordinaire. Je sais pas quel autre exemple on pourrait trouver à part Le Roman de Renard. Je sais pas. Et ça parle peut-être. Non, ça vient plus. Ça parle. Le Roman de Renard. Ah oui, bien sûr. Ça parle beaucoup même. Ça chante même à un moment donné. Enfin, oui, c'est. Non, mais c'est. Enfin, voilà. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, Midorico. Vraiment très, très courageux. Les triplettes de Belleville ne parlent pas. Ah oui, les triplettes. Midorico. Un japonais d'une petite heure. Il y a des cartons, mais en effet. Mais... C'est un L'Ange. L'Ange, oui, ou l'autre Ninger, enfin le prince Argmet. Mais bon, c'était à l'époque du cinéma. Malheureusement, ils parlent maintenant. Ils ont osé le ressortir, même si Anna Chigolet est une grande actrice, ils l'ont sorti, et c'est un petit peu dommage aussi. Un peu. Nicolas, tu as vu Le Garçon et le Monde ? Oui, ben, je suis d'accord avec Francis. Le film était vraiment magnifique, et contrairement à l'année dernière, où peut-être que le film brésilien, enfin même sûrement, n'aurait pas. Ne méritait certainement pas le Grand Prix. Cette année, celui-là méritait bien le cristal. Il a vraiment survolé la compétition et c'était vraiment ce qu'il y avait de plus intéressant. Moi, je me suis endormi, donc je ne peux pas en parler. Et par contre, oui, il y avait un autre film moi, qui m'avait bien intéressé. Moi, j'ai un vrai coup de cœur aussi hein, dans la sélection, donc vas-y. C'était Lisa Limon et Maroc Orange. Ok, donc film estonien. Une espèce d'opéra estonien chanté en français, en italien, qui parle des problèmes migratoires et qu'avec des personnages à tête d'orange et de citron, c'est complètement fou, ça part un peu dans tous les sens. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'avoir. Est-ce que vous avez vu... Il y a d'autres choses qui vous ont plu, pas plu. Si vous voulez parler du work in progress, mais je pense pas que beaucoup d'entre nous ont été voir des work in progress le matin. Donc restons sur les longs métrages finis hors compète. Allez, mais je pense pas. Pareil, hors compète, c'était là beaucoup plus. Tu en as déjà parlé, Francis. Compète, il y a d'autres choses qui vous ont plu ou que vous avez détesté. Vous avez demandé à quoi ça sert, pourquoi ils sont dans cette sélection. Allons-y. Hein. Non, hors compétition, il y en a deux qui étaient intéressants. C'est les deux. Long métrage, enfin documentaire animé, on va dire, Truth Has Fallen, ouais. Sur les prisons américaines et sur les gens qui ont été condamnés à tort. Le film est graphiquement magnifique, et en fait, le gros avantage de tous ces films-là aussi, c'est qu'en fait, ça a beau être des longs métrages, ils sont assez courts, ce qui fait qu'ils arrivent à tenir la route sur la durée sans jamais ennuyer. C'est une aussi, heure hein, pour tout ça, c'est ouais. Une heure. Et Moog aussi, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, celui-là, je pense que certains auraient pu se demander justement. Ce qu'il pouvait faire là, parce que sur 1h15 de film à peu près, 1h10, 1h10 de film, il doit y avoir à peu près 2 minutes de véritable animation et dessin animé, qui n'est pas forcément d'ailleurs la plus réussie, mais en même temps c'est un film qui s'interroge énormément sur ce que c'est que le mouvement et la conception du mouvement, et en tant que ça il fait beaucoup plus, enfin il se rapproche beaucoup plus je pense de... du film d'animation, de cinéma d'animation, que énormément de longs métrages actuels, voire de films considérés comme animation, qui ne sont plus vraiment de l'animation, mais juste des films graphiques, on peut dire. Donc voilà, non, Vague était très très intéressant. Nicolas, je vais repartir sur ce débat. Hein. Qu'est-ce que l'animation est... Mais c'est bien. On peut interroger sur cette question-là, et c'est en ça qu'il est intéressant. Ça. Quelqu'un a vu l'Arte della Felicità, justement, qui était en rotoscopie? Non, pas vu. Asphalt Watches. Mais ça, on aurait dû. C'est dommage que Rémi soit pas là. Il m'a dit qu'il les avait tous vus. Ah, c'est dommage. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Asphalt Watches. Voilà. Asphalt Watches. J'ai vu quelques personnes qui sont sorties au bout de 5 minutes. Marcel Jean avait parlé en termes intéressants, disant que vraiment c'est une espèce de chose délirante. Last Night Jack, L'île de Giovanni. Non, personne. Ok, donc moi je vais parler sur le dernier film qui reste, qui est mon coup de cœur, qui est The Fake Saibi, film coréen réalisé. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah, je déteste ça. Par. Et ben, putain, il est pas très bien fait ce catalogue. Hein. Ouais, c'est marquant. Ah oui, c'est marquant en gros. C'est moi qui suis pas. C'est moi qui suis mal fait. Sang Ho Yeon, qui avait réalisé l'incroyable King of Pigs, film absolument incroyable, sublime. Alors, pour ceux qui ont leur catalogue, page 78. On va faire quelque chose d'interactif, mais avec du papier, c'est pas mal aussi. Page 78 dans le catalogue d'Annecy. C'est un film qui est très étonnant. The King of Pigs parlait un peu des maltraitances à l'école. Et là, c'est un film avec un méchant qui finalement est le gentil, et va parler de gens qui se font manipuler dans un village par un faux... prêcheur, enfin voilà, qui vient pour leur extorquer de l'argent. Le film est étonnant parce que il y en a eu l'année dernière des films coréens qui peuvent être vraiment durs, et là il est dur, et puis plus on avance plus il est dur, plus on se dit non, ils peuvent pas quand même faire ça, et s'ils le font, sauf que ça fonctionne. Là où des fois au bout d'un moment on est obligé de rigoler pour se sortir en disant non, là ils en font trop, c'est pas possible, là le film fonctionne de manière absolument mais incroyable. Ce réalisateur donc était déjà qui a été à la quinzaine des réalisateurs, si j'ai pas de bêtises, avec King of Pigs, là se retrouve en compétition à Annecy. Son prochain film est un film de zombies, avec comme par hasard des SDF qui se transforment en zombies pour attaquer Séoul. Donc c'est quelqu'un de très politique, on en a besoin évidemment. C'est un film, alors là, pour adultes, absolument. Je ne sais pas si un jour il sortira en salle. Ça serait assez extraordinaire. Ça serait vraiment bien de faire à un moment donné, une rétrospective avec cet auteur. C'est passionnant. Et je vous dis, c'est d'autant plus étonnant que quand vous sortez d'un film et que vous dites... Enfin, quand vous avancez dans le film et vous dites « Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas... » Et vous gardez ces personnes en tête. Le héros qui est une ordure totale, qui bat sa fille, et presque le plus gentil, finalement, c'est lui qui réussit à... Voilà, détourner la supercherie. Enfin, c'est un film assez incroyable. Peut-être pas justement. On revient dans ces films qui, peut-être pas dans l'animation, mais justement c'est ça qui est bien. En fait, on n'a pas besoin d'une animation très léchée, même si moi elle me plaît suffisamment. Mais voilà, on a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait la pause maintenant? Est-ce que vous avez d'autres choses à part le court-métrage? Pour le faire, on est un tout petit peu en avance sur mon programme. Décidément, je viens comme Francis. Je prévois tout bien à l'avance. On va finir que sur les courts-métrages, donc vous n'avez plus rien à dire sur le reste. Sur l'affiche, est-ce que... La bouffe était bonne. La bouffe était bonne. Non, sur l'affiche, est-ce que le fait la que... météo aussi, faut parler de... Ah oui, la météo était très bonne. On en a parlé, Nicolas l'a dit. Nicolas l'a dit. Est-ce que vous... tout à l'heure, je voulais parler... je suis tombé sur l'affiche d'Ottawa. Est-ce que l'affiche là de Franck Dion, donc, était mise dans toute la dans toute la ville, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette affiche, c'est vraiment pas le problème. Est-ce que vous trouvez que d'un seul coup, le fait que le festival ait une... voilà, quelque chose de fort au niveau du visuel, vous trouvez ça bien ou pas forcément? Vous aimez bien quand il n'y avait pas quelque chose de trop non, présent comme ça? C'était bien, forcément, l'affiche était très belle, mais par contre, elle a peut-être été un tout petit peu surexploitée. J'ai entendu des gens dans les séances qui disaient, avec les animations qui nous faisaient patienter avant le début de la séance, « Ah non, il y en a ras-le-bol de ce book !» Alors, je vais le dire, comme ça Franck sera content, c'est évidemment pas lui qui a fait les animations, c'est pas lui qui l'a donné, il le sait maintenant, et donc il était un peu furieux parce que tout le monde disait « Ah, tes animations !» Mais c'est pas moi qui ai fait les animations. Donc j'avais dit à Franck que je dirais à l'antenne que c'est lui qui les avait fait. Non, je vais dire la vérité, c'est pas lui qui les a fait. En effet, je pense qu'il se mordait un petit peu les doigts d'avoir dit « Oui, prenez les animations, il y a des choses qui venaient même pas, évidemment les avions, c'est pas du tout lui, enfin voilà, donc je pense que là il s'est mordu un peu les doigts par rapport à ça. Voilà, moi je reste persuadé qu'en effet, on verra l'année prochaine. prochaine. Hein. On est en train de réfléchir. Antoine Lopez me disait que peut-être, on se demandait, puisque c'est une femme qui va faire l'affiche l'année prochaine. Alors il y avait Regina Pessoa, qui d'autres comme femme, Caroline Leaf, puisqu'elle fait plus d'animation, mais Florence. Peut-être pourquoi pas. Florence, t'as des informations Voilà, je ne sais pas si vous avez, mais je pense qu'il est intéressant qu'un festival, un peu comme Ottawa, un peu comme beaucoup de festivals, voilà, demande à des gens qui ont une forte personnalité graphique Joanna Quinn. De changer. Ça pourrait être intéressant. Je crois qu'on va s'arrêter sur Joanna Quinn, c'est une très très bonne idée. On va faire une dernière pause, on va partir... Ouais, quand même, fallait quand même que je vous parle un peu du Hellfest. Donc on va écouter mon groupe préféré du Hellfest, Caspian, avec Walking Season, c'est en live. Et on se retrouve, non, j'ai eu du mal, mais on se retrouve en effet dans 5 minutes. Elle dure pas 6 minutes, mais voilà, les autres faisaient 10 minutes, c'est les plus intéressantes. Mais il y a trop de monde. Voilà, vous avez failli entendre. Je sens que ça va balancer plus sur les cours. Je dis toujours tout ce que je dis hors antenne. Vous êtes bien sûr sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Et vous êtes dans Bulle de Rêve, l'émission de l'image par image. Dernière partie, malheureusement déjà, mais on a 20 minutes pour parler uniquement du court-métrage. Déjà, Francis vient de dire « j'ai rien à dire », parce qu'évidemment, tout ce qu'on dit hors micro, je le dis quand même. Ok, allons-y directement. Votre coup de cœur, avant de parler des trucs qu'on aime, votre coup de cœur en court-métrage, Nicolas ? Votre coup de cœur ou votre film préféré ? Ou si vous n'avez pas de coup de cœur, comme Émilie, vous pouvez dire, bien sûr, vous n'avez pas eu de coup de cœur, le film que vous avez préféré. Nous parlons bien évidemment, et nous pourrons parler du off-limit, on parle compète, court-métrage et off-limit, que je mets à l'intérieur. Je devrais dire que c'est Hippopotamie. Allons-y. Non, tu devrais pas le dire si c'est pas le cas. Non, mais si, disons que c'est quand même, c'est le film dont on va parler aussi, dont il faut parler de toute façon. Faut relancer le débat qui a eu lieu à Annecy autour du film de Pierre Doumawa. C'est enfin une vraie polémique qui sert à quelque chose. On se croirait à Cannes avec. Voilà. Moi, ça me fait plaisir pour ça, quoi. Aussi, quoi. Donc, Hippopotamie, allons-y. Pourquoi t'as aimé? J'ai trouvé le film plastiquement réussi et ce qui m'a plu, c'est aussi ce qui a déplu à énormément de monde, c'est l'espèce de distance que met le réalisateur par rapport à son sujet, l'espèce de neutralité qu'il prend pour traiter son sujet, justement. La comparaison, en gros, entre le mode de vie des hippopotames, selon son titre, et qu'il applique en fait aux êtres humains, qui renvoie aussi, j'ai l'impression, quand même à certaines sources et références très mythologiques ou historiques. Mais j'ai trouvé tout ce qui était ambiance et atmosphère extrêmement réussi, le fait qu'il ne s'encombre pas non plus de détails superflus en mettant juste un fond très noir, en faisant une texture d'eau assez minimaliste, et la musique au-dessus qui a rajouté énormément de choses que je trouvais très très belles. De Balanescu qu'on a entendu tout à l'heure. Enfin, c'était pas la musique, mais voilà. Quelqu'un d'autre a aimé Hippopotamie ? Oui, moi je défends Hippopotamie. Alors j'ai beaucoup relu, parce que là je suis en train de rédiger mon compte-rendu d'Annecy pour le site des fiches du cinéma, donc on va bientôt, j'ai enfin bientôt terminé, donc je pourrai après me faire lyncher. Je suis tout à fait d'accord, et je parlais tout à l'heure des courages de sélection de Marcel Jean, et je trouve que dans cette séance il y avait comme ça une espèce de courage à accumuler comme ça des films très glaçant. Moi, je pense aussi dans d'autres registres, hein, sur cette séance, à un film comme Beauty ou à un film comme Sim Hall, qui, moi, me paraît a posteriori, après coup, c'est un film qui me reste énormément, qui se passe dans une piscine. C'est de l'anthropomorphisme non disneyen, c'est-à-dire qu'en fait, on va assister à un carnage prévu d'avance, et à une confrontation entre l'employé jument qui gère l'établissement et trois souris hooligans qui viennent traîner dans le coin. Et là aussi, on est à distance. La réalisatrice jamais ne travaille sur l'empathie. On pourrait dire on est chez Michael Haneke si jamais c'était en prise de vue réelle, quoi. Tellement on est à distance et on devient un spectateur qui est impuissant et en même temps peureux, parce que ça nous renvoie à la peur d'être pris dans un moment de violence et savoir comment on va réagir. Est-ce qu'on va aller défendre la personne qui se fait agresser, ou est-ce qu'on contraire, on va rester dans son coin, et d'être impuissant par rapport à ce qui est en train de monter. Et je trouve que de ce côté-là, programmer, alors c'est peut-être, tout à l'heure tu parlais des différentes programmations, ben peut-être que effectivement Marcel Jean ose aller et remettre le couvercle à l'intérieur d'une séance sur des films comme ça. Et ça, moi, je trouve que c'est très sain. Après, on peut détester les films, mais tant mieux si on les déteste. Nicky Lindroth Van Bar était déjà en compétition avec Tord & Tord il y a quelques années. C'est quelqu'un qui est suivi, hein, pour le festival. Je sais pas si François ou Emily veulent dire quelque chose sur l'un de ces trois films qui a été cité donc dans cette sélection, qui était Bathhouse, donc Sim Hall, Beauty ou Hippopotamie. Non, Beauty, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En revanche, pour Hippopotamie, ça me pose un vrai problème éthique, ce film. Assez profond, je crois. Ah oui. Voilà. Et je pense que le zoomorphisme qui est pratiqué là-dedans, le propos n'est pas maîtrisé, il me semble. Ou s'il est maîtrisé, il n'y a aucun point de vue réalisateur qui peut me faire croire qu'il y a un point de vue critique sur ce qu'il a produit. Et je trouve qu'éthiquement, c'est très grave. Donc, les gens n'ont pas vu le film, il faut quand même dire ce qu'il s'agit. Oui. Il s'agit de gens, d'une sorte de chorégraphie où un groupe de femmes se font arracher des mains, des bras des jeunes enfants de 2-3 ans. On leur fracasse la tête contre des rochers, on les noie. Et après, un groupe d'hommes qui vient de réaliser ces crimes monstrueux peut, à ce moment-là, copuler avec ces femmes. Voilà, ça c'est là où les homomorphismes, c'est que les hippopotames, parfois, pas toujours, sinon les hippopotames n'existeraient pas, évidemment, parfois, comme les ours, pour pouvoir tirer un coup, doivent avoir des femelles réceptives et elles ne le seront que quand elles n'ont pas d'enfants en charge ou à allaiter. Voilà. Et il n'y a, à mon sens, aucun point de vue qui permet d'avoir un point de vue critique dedans. Et pour moi, c'est éthiquement très grave. Voilà. Donner une habitude qui est une habitude relativement rare chez ces animaux, mais bon, qui existe, en faire une généralité, coller ça de manière zoomorphique sur des hommes qui ont des tas de grands défauts. Les hommes ont pu créer le nazisme, par exemple, mais il ne s'agit pas de ça, là. Sans autres indications données au spectateur de ce que pense celui qui l'a fait, je trouve ça terrible. Alors que ce monsieur du Malam est très sympathique, il a fait des très beaux films, donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, et je suis pas le seul à qui ça a échappé, parce que le débat était très très ouvert à Annecy. En plus, ce film est moche, je suis désolé de le dire, franchement je le trouve moche, et c'est un dégoût absolu pour moi, ce film. Voilà. Moi aussi, Nicolas, je trouve ça juste, en effet, je suis assez d'accord, et je pense qu'éthiquement, c'est drôle parce que moi j'aime pas du tout Beauty par contre, donc voilà, on se retrouve, qui est pour moi vraiment quelque chose d'assez laid, enfin, que j'arrive vraiment pas à comprendre, j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, me dépasse complètement, l'idée de Beauty, je comprends pas. Hippopotamus, j'ai vu que je me suis fait avoir au début, c'est-à-dire qu'au début, je me disais, oh tiens, c'est intéressant visuellement, et plus ça va avancer, plus le dégoût que m'apportait le film, en effet, alors là, vraiment, un point de vue humain juste, était tellement fort que de toute façon, je ne pouvais pas rester sur cette musique. Pourtant, j'adore Banana Shoes, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en début, mais je ne pouvais pas, quoi. C'était quelque chose, c'est quelque chose. Alors, c'est peut-être bien, je sais pas. Marcel Jean disait qu'il était très content parce qu'il avait mis le film, parce qu'il savait que ça allait faire parler. Moi, je pense la comparaison avec Michael Haneke est juste. C'est-à-dire, quand on voit du Michael Haneke, en général, on en ressort avec un dégoût total. Pourtant, on ne dit pas que le film est nul à cause de ça. Moi, j'aime pas du tout Michael Haneke. Je déteste son cinéma. Hein. Oui, mais alors, justement, et c'est pour ça. Alors, c'est vrai que moi, Haneke, j'y pense plus pour Sim Hall que peut-être pour Hippopotamie. Je ne dis pas que j'ai raison par rapport à ça. Effectivement, on peut aussi se dire que c'est du Haneke parce qu'on a cette distance. Et finalement, quel est son point de vue ? En a-t-il un ? Moi, à la limite, effectivement, je comprends tout ce que tu dis et j'ai vu tellement des réactions. La personne qui était à côté de moi, donc ça, je ne dirais pas qui c'était, mais qui se lève au début du générique de fin en disant « Mais tuer des enfants, mais comment est-ce qu'ils ont pu sélectionner une merde pareille ?» Mais moi, je suis très final. Oui, je rejoins Marcel Jean de ce côté-là. Je suis très content qu'on l'ait programmé parce que il faut aussi aller à fond sur des films. Vas-y. Si, je suis tout à fait content qu'il l'ait programmé. Il y a aucun problème. Non, mais après, on peut détester le film aussi. Mais j'en suis entièrement d'accord. Mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ressors trop souvent de débats mous sur les films d'animation parce que on respecte effectivement et je le comprends. Mais on respecte le temps de travail que ça nécessite, la technique. Oui, mais là, c'est plus gênant. Enfin, je sais pas si tu l'as vu. Hélas, je l'ai pas vu, mais d'accord. Tout le monde était absolument furieux et j'ai eu l'impression que c'était un film qui était vraiment fait pour provoquer. Oui, c'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, on est, et que ça manquait peut-être un peu de sincérité dans la démarche. On est une espèce de Lars von Trier qui, d'un seul coup, et pas avec le talent. Et pourtant, il a du talent, en effet. Il a fait des choses assez extraordinaires avant. Je suis pas sûr que ce soit fait pour provoquer. Je pense que c'est fait plus pour révulser, à la limite. Mais il n'y a pas de provocation en tant que telle là-dedans. Peut-être celle de faire parler de soi. C'est presque pire. Je dirais pas forcément c'est faire parler du film. Alors est-ce que si tu fais parler du film, tu fais parler de toi, mais comment on lui reproche de pas avoir de point de vue finalement? Mais justement, pour moi aussi, le point de vue, c'est le spectateur qui l'a. Moi, justement, en tant que spectateur, je perçois quelque chose qui est de l'ordre de la critique sociale. Après, c'est mon point de vue à moi. C'est pas le réalisateur qui m'a forcé à l'avoir ou qui me l'a donné. Oui, mais c'est parce que tu l'as déjà. C'est déjà quelque chose qui est en toi. Je l'ai vu, c'est quelque chose qui est en moi. Après, je vois pas pourquoi le réalisateur devrait forcément avoir un point de vue critique et donner. Le réalisateur devrait donner à penser au spectateur. Des femmes se font violer Oui, dans justement, le film. Donc non, c'est non, normal non, que non, ça ne se font pas violer. Non, elles acceptent non, pire. Non, non, c'est pire. Si elles oui, se faisaient violer, le film n'aurait aucun problème éthique. C'est elles, ça, c'est elles, acceptent. Elles acceptent la population, après s'être fait tuer leurs enfants, dans une... Voilà, il y a même jouissance après. Alors, le point de vue social, je suis désolé. Où est-ce que tu vois un point de vue social? Il ne s'agit en rien d'une critique de n'importe quelle société. Il y a ce zoomorphisme. Pour moi, ça revient à une espèce de... C'est plutôt une critique sur l'humanité. C'est un vrai... C'est ça, voilà. Oui, c'est mais pour d'accord, moi, oui. Et j'en ai discuté avec ton ancien professeur et avec un autre encore. On se posait la question très poliment de savoir si c'était un film fasciste. Et en y répondant après un verre de vin blanc, on s'est dit oui, c'est un film fasciste. Je pense que là, à ce moment-là, on tend à atteindre le point Godwin, parce que comparer un film comme ça au fascisme ou au nazisme, La rhétorique là-dedans, je n'ai pas dit que ni Dumala ni le film était fasciste. J'ai dit que le film était fasciste. Mais c'est pas une critique. Je ne traite pas Dumala de fasciste, pas du tout. Je dis que c'est un fonctionnement, justement, qui a un point de vue sur l'humain et l'humanité, ou qui donne une image de l'humain qui est totalement. Enfin, très grave éthiquement, et c'est pour donc ça qu'on arrive au fascisme. Donc vous l'avez compris, c'est un grand débat, et je pense que c'est un film en effet. Alors est-ce que ça aurait le mérite de faire parler? Je suis pas sûr que ça fait parler tant que ça, parce qu'on parle pas finalement tant que ça en animation, et c'est vite, ça passe vite, mais c'est un film qui a fait visiblement, et à Annecy, énormément débat. C'est intéressant en effet. Est-ce que vous avez d'autres choses? À sur part le film le Dumawa, non, parlons sur autre chose que le Dumawa. Est-ce que vous avez d'autres films qui vous ont plu, Émilie? C'est dur de passer à pas Dumawa, je pensais pas qu'on commencerait avec le Dumawa, mais bon, on a commencé avec lui. Ou quelqu'un d'autre, hein, je veux moi pas tomber. J'ai bien aimé Brutus de Svetlana Filipova. J'ai beaucoup aimé ce film. Et puis j'ai été très touchée aussi par La petite casserole d'Anatole. C'est les deux films que je retiendrai du festival, très d'accord. Différents. Mais... Donc Eric Monchaud. En fait, c'est deux films qui m'ont vraiment donné de l'émotion, et bizarrement, les autres, pas tant que ça. Certains ont aimé ou n'ont pas aimé La petite casserole d'Anatole. La petite casserole, c'est un très joli film, et sans que là, le terme joli soit réducteur hein, dans mon esprit, c'est vraiment un film très touchant, très mignon, qui parle à tout le monde des casseroles qu'on traîne tous les uns et les autres, et là, il traîne sa casserole au sens propre, donc c'est ça qui est la jolie idée du film, et le film est sur son idée, et très beau par rapport et à ça. Et aussi, c'est un film qui est très bien écrit, contrairement à beaucoup d'autres. Ça, on ne peut pas le nier. Au niveau de l'écriture, c'est vraiment très, très réussi aussi. Plastiquement aussi. Oui, plastiquement, il est réussi. Moi, je serais incapable de prononcer ce titre, mais un anglophone... Through the Autumn. Ouais, on ne peut pas dire que j'ai complètement adhéré au film, mais il y a une audace, voilà, un écran splitté autour de la maladie d'un enfant, une sorte de trilogue entre le neurologue psychiatre, la mère et l'enfant. Il y a quelque chose de très fort dedans, et voilà, assez touchant et en même temps très violent. On commençait bien avec Invocation, Robert Morgan, qui nous parlait de cinéma et de la complexité de leur cinéma d'animation. C'est un film que j'aime beaucoup, non pas... Oui, Émilie sourit. C'est un film horrible. C'est pas mal, c'est un film avec plein de sang. Émilie fait un grand sourire. Oui, j'aime non, bien. En fait, j'ai bien aimé aussi. Et puis surtout, on reconnaît son écriture dès les premières images. Je me suis dit, soit c'est quelqu'un qui imite Robert Morgan, soit c'est Robert Morgan. Donc c'était bien lui. Oui, il m'a fait rire. J'ai bien aimé le film. Petite déception pour moi, pour Le sens du toucher. Très beau film. Mais qui, pour moi, ne va pas jusqu'au bout du côté tactile des choses. Très grand talent, hein. J'aime beaucoup son film de fin d'études, et c'est un grand talent, mais je sais pas, est-ce que dans d'autres, je sais que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui à Annecy, moi j'avoue avoir eu un petit peu de déception par rapport au film. Nicolas, Émilie, je sais pas. Nicolas ben, c'est pareil, c'est-à-dire, là je rejoins sur l'idée, donc c'est pas un film qui m'a touché plus que ça non plus, même si je l'ai trouvé très joli, mais voilà. J'avoue avoir un faible pour... Mireille Mizoué, Wonder, que je trouve assez ludique. Tu demandais, par exemple, dans les coups de cœur, c'est vrai que Wonder en est un, quoi. Voilà, moi, oui, à la limite, je dirais que, au deux bouts du spectre, il y a Hippopotamie d'un côté, puis il y a Wonder de l'autre. Wonder, c'est un bain de jouvence absolu. Et à la fin, t'as l'impression d'être dans une salle de concert, quoi. Parce qu'en plus, le morceau des Pascal est absolument génial. C'est comme un mélange c'est une pop déglinguée, entre Pascal Comelade et puis les Beach Boys, quoi. Et dessus, lui, vient nous montrer un briquet, plus de 8000 dessins qu'il a fait pendant une année de travail. Enfin, c'est absolument fabuleux et tout ça s'enchaîne à la fois très vite et en même temps non, parce que c'est pas frénétique. Donc comme ça, on est dans le bonheur, quoi. Et je trouve que bah, voilà, il y a eu comme ça. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a une sélection qui a jamais eu autant d'acuité à interroger l'homme, l'humanité. Et qu'en même temps, à l'intérieur de ça, il y a deux moments comme ça de bain de jouvence. Moi, c'est Wonder et Mille Plateaux de Stephen Wolochian, ouais, qui sont les deux moments comme ça où on est emporté. C'est deux films expérimentaux qui nous emportent comme ça d'un seul coup vers les hauteurs. Alors peut-être parce que d'un seul coup, ils s'affranchissent de la narration. Peut-être que c'est ça aussi, pour revenir à ce que disait Jérôme au tout début de l'émission, quoi. Peut-être que c'est ça aussi qu'il fait, j'en sais rien. Et puis parce que bah, à chaque fois, ils sont sur une musique soit préexistante, soit composée qui donne l'élément supplémentaire au film, quoi. D'autres coups de cœur ou d'autres dégoûts? J'ai bien aimé La Folie de Tempête sur un orac de Paul Cabon. Ok. C'est un film qui était hors compétition. Ouais. Et donc, ouais, c'est un beau film, très original. Et il y avait aussi pas mal, une compétition qui était aussi assez basée sur l'humour noir, j'ai l'impression. Il y avait pas mal de films assez drôles, mais très très noirs, comme Sangré de Unicornio. Pas du tout. Ah, moi je trouve ça très très drôle, mais en fait voilà. Après, il y avait aussi le Obvious Child. Ah, je supporte pas non plus. Beaucoup de monde a détesté aussi, j'ai l'impression. Quatre fois que je le vois, je suis obligé de le voir et je trouve insupportable. Il faut dormir. On n'arrive pas pendant ces films-là, justement, ça hurle. Où il y avait, enfin, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Enfin, le Don't Take Me, I'm Scared, tout. Avec des espèces de marionnettes complètement délirantes. Tous les trucs de détraqués, quoi. Ouais, un petit peu. Jérôme? Ouais, pendant le peu de temps qui nous reste, moi j'aimerais bien vous entendre parler du Off-Limit. Alors, on va faire les 5 derniers minutes sur Off-Limit. Moi je voudrais dire quand même mon grand coup de cœur, et après promis on parle du Off-Limit, qui est un film qui s'appelle Horse, film de Chen Jie, j'arrive pas à le prononcer, qui est un film chinois que je trouvais étonnant, qui était mal placé parce que juste après le Toril Koveu, que beaucoup de gens attendaient, et ce film, moi je l'ai vu à Zagreb, ça reste un coup de cœur. Je pense que c'est l'un des films les plus intéressants que j'ai vu pour l'instant cette année. C'est un film qui est assez étonnant. Je suis d'accord, moi. Ah, merci François. Et je pense que ça montre à quel point le cinéma... Merci Nicolas Concord. Voilà, ça montre à quel point le cinéma chinois indépendant est en train d'arriver et va vraiment déferler, parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Le film est court, alors que des fois ces films-là pourraient être longs. On se dit toujours, là j'ai déjà vu, puis à la fois je trouve qu'il nous remet... Il y a un jeu sur la persistance rétinienne, il y a un jeu sur ce qu'on voit pas, des images qui tremble, enfin voilà, on est dans quelque chose de très très sensoriel qui moi me plaît énormément, voilà. Le Off-Limit, on n'aura pas le temps, en fait, je le sais, pour la prochaine fois, il faudrait faire une heure sur le cours, en fait, uniquement. On fera ça la prochaine fois. Le Off-Limit, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez... Le Off-Limit, moi, je peux déjà dire que c'est la seule projection dans laquelle j'ai été passionné par à peu près tous les films, même ceux que je n'ai pas aimés, parce qu'il y a partout une expérience, belle, pas belle, réussie, pas réussie, mais à chaque fois, il y a un essai, il y a une tentative. Et il y a du nouveau, donc voilà. Après, bah, il y a des films qu'on peut refuser. Est-ce que le terme Off-Limit, pardon, excuse-moi, mais il y a des films qui sont clairement des films d'animation, enfin image par image, tels qu'on les entend. Est-ce que là, Off-Limit, ça veut dire que c'est des films qui ennuyaient tout le monde normalement dans la sélection, dans la grande sélection, et on met ça en Off-Limit? Oui, c'est ce que disent certains. Je sais pas, ça pourrait être le labo d'Annecy, sauf qu'il faudrait qu'il y ait 4 ou 5 programmes, pas un seul. S'il y avait 4 ou 5 programmes Off-Limit, moi je vais à Annecy tous les ans. Voilà. Off-Limit, Nicolas? Ben, en fait, disons que c'est vrai que quand on voit par exemple le film de Théodore Huchef, donc Troisième Page après le Soleil, c'est de l'animation image par image. On aurait pu le retrouver en compétition, même titre que le film de Stephen Wolochian ou Horse. C'est assez étonnant. Pourquoi est-ce que celui-là est en Off-Limit tandis que les deux autres ne sont pas en Off-Limit, ou pourquoi celui-là n'est pas en compétition, en fait? C'est vrai que ça, on peut se poser la question. C'est le même problème, de toute façon, qui est posé avec le labo à Annecy. Sans arrêt, on vient dire, mais pourquoi ce film-là, il est en labo, ou pourquoi en compétition nationale, finalement, on trouve ce film qui est vachement expérimental et qu'on aurait pu mettre... Jérôme, alors juste pour dire, on n'aura pas de générique de fin, évidemment, l'émission prochaine qui est déjà là peut déjà commencer à se préparer, et on quittera à 7h pile le studio d'ici une minute. Vas-y, Jérôme. Mille Plateaux est placé comme expérimental, mais c'est un film qui se place dans une tradition du cinéma qui n'est pas expérimental en soi. Il est un film magnifique, mais qui applique des choses qu'ils ont connues, qui les appliquent bien, etc. Donc est-ce que c'est pas là où Il n'est pas off-limit, justement. Oui, mais si tu vas par là, par exemple, un film comme Invasion, qui est un film donc de terreur, de zombies, est-ce que, à part peut-être sur la patte graphique qui est la sienne, c'est un film off-limit, quoi? Pas forcément, parce que là, on a une narration, quoi. Est-ce qu'encore une fois, le bonheur de off-limit, c'est ce que disait François, finalement, le bonheur pour nous d'off-limit, c'est de nous montrer des films qu'on voyait quasiment plus, ou en tout cas qui étaient sifflés des fois, qui étaient mal reçus dans la grande compétition, et qui finalement, qui nous intéressent quand même beaucoup d'entre nous, et qui nous permettent de les voir, et que finalement, est-ce qu'en effet, il doit être, est-ce que Steven Holochen, c'est dommage pour d'ailleurs Steven Holochen, parce qu'il a peut-être eu plus de prix, il aurait peut-être eu un prix, enfin, voilà, c'est juste qu'ils ont plus de chances d'avoir un prix, parce que finalement, il y a un prix pour toute la sélection, mais c'est ça le bonheur, je pense, de Primitz, c'est enfin d'avoir ces films. Dernier mot pour François, et on laissera le générique pour l'émission. Non, je ne sais pas si c'est bien, pas bien de ne pas mélanger ces films. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans un festival, si je compare un festival de musique, imaginez des projections ou des concerts dans lesquels serait mélangé de la variétoche, du easy listening et des pièces de Pierre Boulez. Voilà. Ceux qui aiment la variété seraient ravis, ceux qui aiment, voilà, et tout le monde se battrait. Donc il y a un moment, on met en compétition des machins qui n'ont strictement rien à voir avec les uns entre les autres, sauf le format et soi-disant la technique. Ils sont courts-métrages, voilà, c'est la seule chose qui les réunissent. Et le festival d'Annecy, tout festival, c'est une espèce de fourre-tout où il y a du jazz, du machin, du truc. Voilà, personne ne ferait ça en musique. Voilà. Et c'est la règle du jeu. C'est parfait, merci beaucoup François. On s'arrête là. C'était Bulle de Rêve, merci à tous et à très vite.